Bonjour, bonjour. Donc c'est bien Bulle de Rêve aujourd'hui, l'émission 100% cinéma d'animation sur Radio Libertaire, bien évidemment, 89.4. Comme je le dis souvent, où ça, hein, ailleurs que sur Radio Libertaire, on peut se permettre d'avoir deux heures sur le cinéma d'animation. Et ben voilà, donc c'est bien l'émission mensuelle. Alors j'ai un petit problème, c'est que d'habitude, ce studio est rempli de monde. Et là, pour l'instant, nous sommes en face à face avec Nicolas, ce qui est très agréable. Merci Nicolas, grâce à qui vous pouvez entendre ma voix et cette émission. Normalement, sont annoncés, comme j'ai annoncé tout à l'heure, aussi sur mon site, sur The Web Anime, Denis Valganwitz, assistant réalisateur de pas mal de films, de Persepolis à La Bûche de Noël, de Patar et Obia et Cowboy Indien, et puis pas mal de choses. Voilà. Il est aussi décorateur sur des grosses choses comme Moi, Moche et Méchant, par exemple. Donc voilà, c'était pour faire un peu un tour d'horizon de son travail, et il est réalisateur aussi, donc on devait parler un petit peu de sa réalisation en court métrage, et c'est le président de l'AFCA, donc voilà, il y avait plein de choses à dire avec Denis, si jamais il arrive. Il y a un autre invité qui, lui, de toute façon, devait arriver un petit peu plus tard, puisque il a une avant-première aujourd'hui. C'est Yves Bouvray du Festival Image par Image. On l'a déjà eu ici, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu Yves, donc je me suis dit que c'était une bonne occasion, et surtout qu'il m'a parlé d'un atelier, quelque chose qu'il fait. Alors je ne sais, j'ai pas plus de choses à vous dire pour l'instant que ça, dans les prisons, donc ça fait c'est rare, et sur les films d'animation, donc il y a des ateliers de films d'animation, l'un des premiers intéressés par Samuel Yale et Nicolas Boulanger cette année. J'espère, normalement Yves devrait lui venir, enfin j'espère que Denis va quand même venir, et donc voilà. Alors vous pouvez être surpris aussi, puisque depuis quelques années maintenant, enfin ça fait un bout de temps, il y a au moins des personnes autour de moi. Là donc, les deux personnes qui normalement sont autour de moi sont pas là. Rémi qui fait l'agenda, malheureusement on va souhaiter, il y a un petit problème avec sa grand-mère, on va souhaiter qu'elle aille mieux, donc voilà. Et Valentine est partie pour une belle aventure, puisqu'elle est partie justement travailler sur le projet d'Amélie Haro qui a fait Kiki les Montparnasse. Elle est à Angoulême. J'espère qu'on aura des nouvelles d'elle par des petits reportages ou des choses comme ça. Mais c'est donc après Kiki les Montparnasse, en fait, des gens qui avaient vu le film d'Amélie Haro se sont dit ah c'est vraiment bien, et ils avaient une série à faire sur la même époque, c'est-à-dire les années 20-30 dans l'art à Paris. Et donc Amélie Haro est devenue co-réalisatrice de cette série qui s'appelle Les Aventuriers de l'art moderne. Donc bah voilà, on en aura. J'espère qu'on aura des nouvelles. Et puis on va. Oui, enfin, on aura des nouvelles forcément. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Est-ce que tu fais l'agenda toi-même, alors ? Tout à fait, je fais l'agenda. C'est pour ça que j'ai ramené le petit ordinateur, parce que normalement, j'ai pas l'imprimante pour tout vous dire. Et donc, tu vois, normalement, c'est. Donc j'ai l'agenda. Je vais découvrir en même temps que vous. Donc je vais le défiler. Je voudrais juste parler avant de parler de l'agenda. Je suis tout seul, donc. Personne ne pourra réagir. Ça y est, le César de l'animation a été pas décerné, mais on sait les 5 qui vont concourir, et c'est assez terrible. C'est assez terrible. Donc, alors, on a enfin réussi. Alors, je dis on. Il y a des gens qui sont battus depuis des années là-dessus, et j'espérais que Denis nous en parle un petit peu pour avoir enfin un César qui dissocie les courts-métrages et les longs-métrages. Ça y est, c'est fait. Donc, on a 3 longs-métrages et seulement 2 courts-métrages, ce qui est pas terrible, ce qui donne un César à 50-50. Je crois qu'on voit rarement ça dans les récompenses, mais bon, on espère que ça va changer, que ça va devenir 4 longs métrages et 3 courts métrages, par exemple, ce genre de choses. Même s'il faudrait que ça augmente encore plus. Et donc, les nominés, alors, en courts métrages sont Kiki les Montparnasse. Je viens d'en parler, d'Amélie Haro. Bravo à elle. En plus, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont réussi à atteindre justement les 10 pour arriver. Donc, bah voilà, c'est très bien. Et Lettre de femme, j'avoue que j'ai une préférence. Francis Gavel, qui sévit aussi derrière ce micro, a donné sa préférence, lui, sur Facebook. Donc, je vais la donner carrément dans l'émission. Donc c'est plutôt évidemment Kiki les Montparnasse, qui est un film que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très intéressant. J'avoue être un peu moins fan de Lettre de femme, même si l'idée est belle au départ. Donc voilà, donc c'est ma petite préférence. On verra si elle est suivie, même si les gens qui sont dans les Césars me font peur, puisque sur les trois longs métrages qui ont été choisis, ils avaient la possibilité de choisir Jasmine, ce superbe film d'Alain Huguetto dont on a souvent parlé ici. Il y a une interview d'Alain Huguetto qu'on a diffusée à l'antenne. Ou même le congrès d'Harry Fullman, donc le réalisateur de Valse avec Bachir, dont Denis Valganwitz a été sur le film, l'assistant d'animation. J'ai laissé mon téléphone ouvert pour avoir des nouvelles, on sait jamais. Donc Franck me demande s'il veut que je chante une chanson pour meubler au téléphone. On va voir, Franck, je te remercie. Si jamais essaye de, je sais que tu auras une bonne chanson à nous chanter, qu'elle ne départera pas avec l'émission. Mais j'apprends avec un autre SMS qui m'arrive au même moment que mes deux invités devraient arriver à peu près vers 17h30. Donc, on va y arriver. Hein, oui, on va faire l'agenda, on va mettre de la musique. Et puis, c'est bon. Donc, les Césars. Donc, oui, on attend trois titres là. Hein, oui, donc les trois titres. Merci, Nicolas, en effet. C'est Aya de Yopungo. Ça y est. Maintenant, je vais dire Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill. Et le troisième qui est Loulou. L'incroyable aventure, je ne sais plus comment s'appelle le titre exactement. Alors, quand je dis c'est terrible, je ne parle même pas de la qualité des films, c'est que les gens du cinéma de prise de vue réelle, on va dire, comme on les appelle ici, donc les gens les cousins hein, qui travaillent avec nous, envoient un message qui est assez clair avec ces trois films. Un, c'est que des adaptations de BD. Je remercie Lionel Richerand qui m'a soufflé ça parce que j'étais un petit peu scandalisé, parce que c'est surtout aussi que des films pour enfants, ou en tout cas même Aya, s'il est pour adolescents on va dire, peut aussi correspondre, même s'il y a des thèmes un petit peu plus pour adultes. Mais c'est aussi donc en effet que des adaptations, donc où les gens de l'animation n'ont rien créé, on va dire. Quelque chose était déjà à la base, et même si encore une fois c'était une base talentueuse, il y a un signal qui veut dire qu'en gros il n'y a pas de création dans le cinéma d'animation, alors qu'ils avaient encore une fois le congrès et Jasmine au moins pour avoir justement une vraie création graphique. Donc c'est une vraie problématique qu'envoie le cinéma de prise de vue réelle, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas, et c'est possible, Jasmine et le congrès. Alors moi j'étais persuadé que le congrès au moins passerait, j'espérais que Jasmine passerait, mais au moins que le congrès passerait, même pas le congrès. Donc là on a une vraie problématique. Est-ce que ce César vaut quelque chose? Est-ce que ce César est important? Alors, on va se dire, tiens, il est revenu sur ses vieilles bases et d'appeler au boycott. Non, je me suis excusé. J'ai pensé justement qu'on avait... Ou alors, quel est le travail à faire pour qu'enfin, peut-être, je sais pas, l'animation, peut-être qu'on est... T'as du lobbying de l'AFCA, comme on peut le faire aux Oscars. C'est pas beau, hein, on n'aime pas ça. Mais je sais pas, il y a quelque chose à faire en tout cas pour éviter de se retrouver avec trois films qui ne représentent pas une certaine diversité que peut-être représenter plus les films de prise de vue réelle. Quand je vois rapidement, mais que j'ai vu Dupontel et d'autres étaient nominés, enfin voilà, Polanski, donc des gens complètement différents, il y a une diversité que là on ne retrouve pas du tout en tout cas en animation. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. J'aurais voulu l'avoir avec Denis, mais peut-être qu'il en parlera tout à l'heure. Alors, ceci étant dit, passons donc à l'agenda que je vais faire sûrement en une seule traite. On va voir. Donc, évidemment, en ce moment, certains sont dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand, puisque c'est le festival de Clermont. Si vous n'avez pas déjà vos places, ça va être difficile d'y aller, je pense, le festival terminant samedi prochain. Mais c'est évidemment le plus gros festival qui existe au niveau du court-métrage. La reprise du palmarès sera pour les gens qui sont plutôt parisiens le 16 février à 16h au Forum des Images. Donc voilà, pour se rattraper, pardon. Le festival Image par Image, on va en parler avec Yves, donc je vais pas trop je vais pas trop vous en parler. J'essaye de négocier à la fois mes invités et à la fois leur répondre. Alors, le festival Tout Petit Cinéma, du 15 au 23 février, ça c'est intéressant, c'est le Forum des Images, donc toujours, c'est un festival pour les 18 mois à 4 ans. Donc c'est pour les enfants, c'est pour les petits, c'est pour peut-être les éviter, pour que les parents les amènent aussi hors de la télé, on va dire, et qu'ils découvrent une image de manière différente. Moi, c'est un festival que je trouve intéressant parce que évidemment les enfants sont accompagnés, c'est-à-dire la lumière n'est pas éteinte complètement. Il y a quelqu'un dans la salle qui leur parle et ils voient des choses très courtes. Et donc voilà, c'est une manière, on va dire, d'amener les enfants. Et on en reparlera aussi avec Yves Bouvray et Denis Valganvit tout à l'heure, mais c'est une manière justement d'amener les enfants vers un peu autre chose que uniquement le cinéma. La télé, excusez-moi. Je vais me reprendre. Festival L'Étoile Filante, c'est du 24 février au 2 mars au cinéma Jean Eustache à Pessac, Gironde. Alors c'est plutôt aussi destiné au jeune public et propose pas mal de choses comme Le Parfum de la Carotte, des films du Nord, Pâté Maël, Monde Inversé, qui est un long métrage japonais. Il y aura aussi donc Tantilda, notamment avec son réalisateur Benoît Chieux. Si vous êtes vers la Belgique, le festival incontournable, en même temps que Clermont-Ferrand, c'est quasiment au même moment, du 28 février au 9 mars. Je dis n'importe quoi, c'est au même moment. Puis non, puisque 28, donc c'est pas du tout au même moment, c'est au début de l'année. Ça fait longtemps que j'ai pas fait l'agenda, hein, ça se voit. 28 février au 9 mars, donc à Bruxelles. Je sais qu'il y a une rétrospective, je crois, Théodore Huchet, Juan Pablo Zaramella. Donc pas mal de beau monde et les gens seront présents pour une grande partie. Donc c'est vraiment important. 29 janvier, 11 février, Festival Ciné Junior. C'est dans le Val-de-Marne, on en a souvent parlé ici, avec notamment une rétrospective tchèque. Et Karel Zeman et Břeslav Pojar. Et surtout, à ne pas louper, Georges Fuisgöbel sera présent pour parler un peu de la peinture animée. Ça doit être en ce moment, donc foncez-y. Allez-y, quoi. Ce sera mieux que foncez-y, c'est pas très. Hein. Les journées des portes ouvertes des écoles du RECA. Ah. Le RECA, vous savez, hein, c'est ce réseau des écoles du cinéma et d'animation. En ce moment, comme il y a une espèce de dérégulation, mais plein de gens aiment l'animation et tous les enfants veulent faire de l'animation. Évidemment, des grosses boîtes se créent un peu partout pour, si possible, toucher beaucoup d'argent. Et voilà, c'est quand même 7 000, 8 000, 9 000 euros des fois l'année, hein, en cinéma et d'animation. Vous imaginez quand vous avez 4-5 ans à faire, ça fait 40 000, 50 000, enfin voilà, plus évidemment les loyers, etc. Donc on s'endette, donc c'est pas évident, donc faut bien choisir son école et pas forcément... n'importe quoi. Donc voilà, plusieurs écoles, donc l'MK, l'Atelier, Supinfocom, je vais pas tous vous les dire. Vous allez sur le site du RECA et vous avez toutes les portes ouvertes justement pour aller voir les écoles et pour rencontrer. Alors, quoi d'autre? L'hybride, c'est à Lille, toujours plein de choses évidemment. Je vous laisserai regarder sur le site de l'hybride, mais il y a pas mal de choses toujours intéressantes avec. Mais là, je vois un programme Amour, gloire et reproduction. Allez savoir avec Braise du Govasfraceto notamment. Les vendredis de Croc-Anime, Jean-Pierre Pagliano qui est venu ici même parler de son livre sur le roi et l'oiseau, et ben fera une conférence le vendredi 27 février, donc c'est la semaine prochaine de 19h30 à 21h30. Ça vaut le coup d'y aller. À la télé, Le parfum de la carotte, donc je viens de vous en parler, des films du Nord réalisés par Rémi Durin dans le scénario d'Arnaud de Muenck. Ça sera le samedi 15 février sur France 5. Le cinéma, il y a un ciné court, mais ça, je pense qu'on en parlera. Pardon, il y a un festival, excusez-moi, à Roanne, mais je vois que c'est du 24 au 30 mars, donc on aura notre émission, donc on vous en reparlera à ce moment-là. Plus proche de nous, même si je pense qu'on aura une émission aussi d'ici là. Mais le 8 mars à 15h, sachez que Bill Plimpton vient à Paris, c'est gratuit, c'est une masterclass qui est organisée par les ateliers de Sèvres et des distributions, je crois, donc c'est les distributeurs de Bill Plimpton, et c'est sur le site, vous pouvez vous inscrire sur le site des ateliers de Sèvres, voilà. Quelque chose que j'ai relié déjà sur le site, mais qui me fait plaisir de relier de nouveau à l'antenne, quelque chose qui s'appelle 24 images par seconde. 24 images par seconde, c'est un réalisateur qui s'appelle Bruno Bouchard et qui propose un projet. En fait, il vous envoie 10 secondes de pellicule et vous travaillez avec ces 10 secondes de pellicule, vous grattez, vous faites de la peinture, etc. Ce qui fait que vous êtes amateur, même vous êtes professionnel, c'est pas grave. Il vous envoie contre, je crois, c'est 5 euros. Donc voilà, c'est rien du tout, hein, et ça vous permet de recevoir 10 secondes de pellicule, et ensuite il va mettre bout à bout tous les 10 secondes pour en faire un événement qu'on espère voir dans les festivals ou ce genre de choses. Donc je sais que pas mal de mes étudiants, notamment à l'ESAT, se sont lancés dans donc à Roubaix, se sont lancés dans l'aventure. C'est plutôt une bonne chose. 5 euros, c'est vraiment pas grand chose, donc voilà, allez-y. Donc par contre, la seule petite chose, faudrait voir comment il pourrait faire autrement, c'est sur Facebook uniquement. Donc voilà, ça s'appelle 24 mensonges par seconde, 24 mensonges par seconde, Bruno Bouchard, B-O-U-C-H-R-D. Je remettrai de toute façon le lien, et puis les liens évidemment sont dans l'agenda de l'AFCA, mais voilà, c'est sur Facebook. J'en suis à la page 9. Écrire et concevoir pour la série d'animation Mille Sabords, ça je vous laisserai regarder. Stage d'animation Le Cercle, on va passer les stages. Concours et appel à projet, sachez qu'en effet, on est en 2014, hein, je vous le rappelle. 1914, c'est la date de naissance de Norman McLaren. Et Norman McLaren, en fait, va être célébré un peu partout. Et notamment à l'ONF, où il va y avoir un concours qui s'appelle Mur à Mur, où on projettera sur les murs, notamment des projets, que ça soit... Enfin voilà, il y aura plein de projets créatifs. Vous regardez sur le site de l'ONF, c'est jusqu'au 20 février et ensuite ça sera projeté du 11 avril au 1er juin dans le quartier des spectacles de Montréal. Ça je passe, comme je vous disais, je découvre en même temps que vous. Le festival d'un jour qui aura lieu du 17 au 22 mars, c'est un appel à candidature marathon sur tablette. Ouais. Je vous laisserai regarder en tablette, je suis pas sûr que ce soit voilà plus intéressant que ça, mais bon, pourquoi pas après tout. Sinon c'est lea.clemencon, C-L-E-M-E-N-C-O-N @l'équipe.com, tout attaché, équipe.com. Vous regardez sur truc. Allez, je vous donne un numéro, 04 75 78 48 67. Vous dites que vous l'avez entendu sur Radio Libertaire, mais que c'était pas très clair. Donc voilà, en tout cas, c'est à Valence. Appel à candidature duo. C'est la maison du film court qui a conçu ce dispositif. Je vous laisserai aller donc sur la maison du film court. C'est pour la musique de film. Voilà. Concours Disney-Reca, manquerait plus que je vous en parle. Appel à film, bon, ça oui, bien sûr, le festival Croc-Anime, jusqu'au 12 juillet 2014. Vous pouvez envoyer vos films donc pour le festival Croc-Anime qui aura lieu en septembre. C'est info@crocanime.org, info@crocanime.org. Sinon, sur le site directement, vous tapez crocanime.wix.com et vous tombez sur le site. Ou sinon, eh bien, vous googlisez Croc-Anime. Alors, bulle de rêve. Samedi 1er février, c'est aujourd'hui, donc ça tombe bien. Et peut-être 22 février, a priori, oui, 22 février aussi, on l'espère. Sortie en salle le 5 février, donc ce mercredi, Jacques et la mécanique du cœur. Stéphane Berlin, Mathieu Malzieu, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais bon, voilà. L'île des Miam Nimo, alors ça c'est Tempête de boulettes géantes 2. Le premier était vraiment bien, celui-là est assez moyen, je dois vous avouer. Alors que vraiment le premier était très, très, très, très réussi pour une grosse production comme ça. Les Amis Animaux, d'Eva Lindstrom, qui sont des courts-métrages. Le 12 février, Monsieur P2B et Sherman, ouais, ça c'est DreamWorks. Alors, le même jour, parce qu'évidemment, tant qu'à faire, autant se concurrencer. Donc, le même jour, on a Peabody et Sherman de la Fox, excusez-moi. Tantilda, de Jacques-Rémy Gérard et Benoît Chieux. Le Secret de la Pierre de Lune. Et le 19 février, Tarzan, parce qu'évidemment, c'est les vacances, donc tant qu'à faire, autant... faire n'importe quoi et mettre tous les films au même moment pour bien qu'il y en ait qui se plantent et qu'on soit content après qu'il y en ait qui se plantent, c'est très très bien joué, c'est une bonne idée, surtout que le 19 sort Et Tarzan, donc un truc allemand, film allemand qui a l'air pas beau, mais bon voilà. La grande aventure Lego de Phil Lord, donc un gros truc américain, et le piano magique, donc 3, 4, 5, 6, 9 films en 15 jours, entre le 5 et le 19 février. Bien joué, les gens de l'animation. Vous savez que des fois, il y a des choses qui peuvent sortir aussi hors vacances. Hein. Les enfants vont au cinéma en dehors des vacances. Ça leur arrive. Les parents sont pas bêtes non plus. Les amènent aussi. Voilà, donc c'est un petit peu n'importe quoi. Je vous conseille le piano magique aussi parce que il y a notamment un film Les démons de Ludwig de Gabriel Jaquel de Trintrin. Bon, vous avez entendu la voix ici. Et voilà, son film pourrait être vu dans cette programmation-là. Et alors là, c'est toujours ce que met... Il met un petit truc qu'on ne sait pas, d'hiver. C'est Rémi. Anime 2.0 est un site dédié aux films d'animation. Il comporte un serious game, un module créatif et des compléments pédagogiques créés par les rencontres audiovisuelles. Cet outil permet de découvrir le film d'animation et d'aborder la création et, le langage audiovisuel de façon souple et ludique. Un intervenant guide les participants dans leur jeu et leur fournit des corrections, commentaires et interludes pédagogiques. Alors... ce qu'on va faire, il doit être 20-25, ce que je propose, si ça ne te dérange pas, c'est de faire un petit truc un peu particulier. J'avais prévu, en piste 6, un long morceau qui fait 6 minutes. Je me dis que peut-être qu'on peut le mettre maintenant, si c'est possible. C'est pas que je ne veux pas entendre Franck Dion chanter, au contraire, ça sera un grand bonheur, mais ça va être compliqué au téléphone et tout. Donc on va faire un petit clin d'œil, en fait, un petit garçon qui vient de naître, Elliot, et à ses parents, et on va écouter un morceau que... alors il y aura deux morceaux, un pour le père et un pour la mère, là c'est pour le père. C'est Arcade Fire, donc le dernier album d'Arcade Fire, Awful Sound. On va écouter 6 minutes, et comme ça on en aura, voilà, pour... je vais consulter mon téléphone, voir où en sont les gens, etc. Nicolas, c'est à toi, on écoute. Et voilà. Denis est arrivé. Bonjour Denis. Bonjour. Donc, sauvé, c'est toujours un peu l'angoisse de l'animateur de radio, mais c'est bon, on va le faire. C'était Archive, donc Arcade Fire, à chaque fois je confonds les deux. Mais en effet, donc c'est le long morceau, ça y est, ça c'est fait. Est-ce qu'on peut passer, je vais demander de faire un truc un peu, je vais demander, est-ce qu'on peut passer la piste 3 qui fait une minute? Donc voilà, toujours Bulle de rêve, hein, l'émission 100% animation. La bande-annonce de Persepolis, je le disais avant, Denis, t'étais assistant réalisateur. Est-ce que Persepolis, c'est juste un boulot en plus, ou est-ce que c'est vraiment une aventure? Quand je dis des interviews de toi, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'encore plus dans le film. Oui, oui. Alors déjà, pour moi, c'est un moment particulier, parce que c'est le premier long-métrage auquel j'ai la chance de collaborer. Et effectivement... Alors sur le coup, je le vois pas, je le vois pas de cette manière-là, mais c'est vrai que c'est par la suite que je comprendrai que c'était un moment particulier et exceptionnel. En quoi? Essentiellement sur le fait que dans l'ensemble de l'équipe qui a fabriqué, produit ce film, il y avait une énergie très particulière, très forte. Une sorte d'électricité comme ça. Et quand je dis que j'ai compris ça après, c'est qu'à en travaillant sur d'autres productions par la suite, c'est des ambiances que j'ai pas beaucoup retrouvées, en fait. Donc c'est rétrospectivement que je me suis dit, effectivement, y avait une énergie toute particulière sur ce film. Concrètement, ça faisait que on était à fond tout le temps, on avait une énergie forte tout le temps, on était content de faire le film. Il y avait une bonne atmosphère autour de ce film, et il y avait aussi une sorte de communion. C'était très étrange parce qu'il y avait des animateurs de toutes les générations. Il y avait des vieux de chez Disney, il y avait des jeunes qui sortaient des Gobelins, et avec tout ce qu'il y avait entre deux. Et tous ces gens-là dialoguaient entre eux, échangeaient leurs expériences. Donc ça donnait c'était devenu une sorte de creuset comme ça. Quand tu dis tu t'en rends compte après, pourtant le film, moi je me rappelle quand le film est produit, quand on en parle, on sait déjà que ça risque, évidemment, on ne sait jamais si un film peut faire l'événement ou pas, mais voilà, ça risque de marquer un petit peu quand même. Donc toi, non, vous ne sentiez pas ça? C'était vraiment juste le bonheur de faire ce film-là qui vous motivait? Ouais, c'était vraiment le plaisir de le faire. Alors c'est vrai que moi, alors il y avait un peu le dedans et le dehors, c'est-à-dire que moi, je n'étais pas à l'extérieur du film, et c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'immersion pendant un an et demi, pour la production de ce film, mais les bruits qui venaient de l'extérieur, c'était plutôt des bruits du type « vous allez dévoyer la bande dessinée qui est un chef-d'œuvre, c'est inadaptable ». On avait même des points de vue extrêmement techniques de gens qui nous disaient que les gens allaient sortir aveugles parce qu'un dessin animé en noir et blanc, pendant une heure et demie, c'était trop dur pour les yeux et que ça allait être insoutenable. Enfin, c'était ça, nous, qu'on entendait. D'accord. Plutôt. On n'avait pas beaucoup de gens qui nous disaient « allez-y les mecs, ça va être super, c'est vachement bien ». Nous, par contre, on avait un vrai plaisir à le faire. J'ai mis une interview que tu as fait, enfin, c'est une interview qui est retranscrite, en fait, dans une cour de classe, dans une classe, pardon, avec Yves Bouvray, justement, qui était présent. Et on voit, et les questions sont nombreuses. Et quand on lit tes réponses aussi, on a l'impression que tu pourrais presque parler à la place de Marjane Satrapi, et qu'il y avait l'idée d'être dans son histoire. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, on a l'impression qu'elle vous a transmis son histoire, et que c'est, quand je dis c'est peut-être plus qu'un film, c'est pas vrai, c'est un film, mais tu vois, il y a quelque chose où tu réponds à toutes les questions un peu politiques, les questions sur sa vie à elle. Oui, alors, Alors, on ne peut pas parler à sa place, bien sûr, mais c'est, si on peut répondre à ces questions, c'est parce que la plupart du temps, c'est des questions que nous-mêmes, on lui a posées et auxquelles elle a répondu. Oui, sur les questions politiques. Pour nous, c'était très important, par exemple, la question de la relation que le film entretenait avec la religion. Et il y avait comme ça, on voit dans certaines séquences du film, il y a une sorte de nuance qui est apportée entre la façon que le film a de considérer la religion et la façon qu'il a de considérer les représentants religieux, qui n'était pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, les seuls représentants religieux qui figurent dans le film, c'est des catholiques. C'est les sœurs du couvent de Vienne. Enfin, pas du couvent, pardon, du pensionnat de Vienne. Mais il n'y a pas de représentants religieux représentés à Téhéran, par exemple. Ce sont des gardiens de la Révolution, ce sont des gens qui viennent faire des leçons de morale à l'université, mais il n'y a pas de représentants religieux représentés. Donc le film est très précis hein, sur ces questions-là, et nous-mêmes, on posait des questions, tout simplement parce qu'on était ignorants de la vie à Téhéran. Il y a quand même une chose, c'est qu'il y a toute une équipe qui doit représenter des gens qui vivent à Téhéran à un moment donné, et la plupart des gens n'y connaissent rien, ou ne connaissent pas la plupart des événements et de la réalité de ce qui s'est passé. Donc on a dû demander à Marjan Satrapi de quoi y retourner, à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que ça pouvait être. Ce qui est étonnant, c'est que ça rentre presque en parallèle, enfin ça rentre en parallèle avec un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Jasmine, où Alain Huguetto raconte que justement lui est parti à ce moment-là et ne comprenait pas du tout ce qui se passait en fait. Était lui aussi, quand on est des fois étranger d'une culture, même si on peut l'aimer, si on peut essayer de tenter de la comprendre un petit peu, ça reste quand même très, très, très léger finalement. Je pense que la grosse différence, c'est qu'Alain Huguetto lui-même n'est pas iranien, ouais. Et qu'au moment où il arrive sur les événements, il arrive pratiquement de plein pied dans les événements. C'est-à-dire qu'il n'a pas grandi dans ce pays, il ne connaît pas la culture de ce pays. Donc, le film du ghetto raconte un électrochoc. Alors que le film de Marjan Satrapi raconte une histoire, c'est beaucoup plus une biographie ou quelque chose. Alors, c'est vrai que le film du ghetto aussi est une autobiographie. Mais c'est pas le même parcours. Humainement, c'est pas du tout la même chose. En fait. Qu'est-ce que, quand il y a déjà deux réalisateurs, Marjan Satrapi, Vincent Paronneau, qu'est-ce que fait un assistant réalisateur, toi qui découvre, qui fait ça sur un gros film, un long métrage, c'est quoi exactement? En fait, pour moi, j'avais même un troisième interlocuteur qui était Marc Jousset, qui était réalisateur technique du film. Et en fait, la réponse, elle est dans la question, c'est que quand vous avez plusieurs interlocuteurs qui doivent tous les trois avancer de concert sur un même projet, c'est la question du lien entre les trois, et du lien entre ces trois-là et le reste de l'équipe. Moi, en fait, j'ai beaucoup veillé, et par la suite, c'est ce que je reproduirai régulièrement dans les autres projets auxquels j'ai participé, je veille beaucoup à l'articulation, à la communication qu'il y a entre une équipe de réalisation et une équipe de production, de fabrication, on va dire, avec le chef animateur, le chef assistant, le traceur, quand il y en a, etc., les techniciens. Et puis il y a un autre champ. En tant qu'assistant réalisateur, moi, j'ai le sentiment de préserver moins le réalisateur lui-même que son travail, en fait. J'essaie de faire en sorte que son travail puisse se faire et s'épanouir au mieux. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'il soit pas dérangé tout le temps. Quand il est dans un local avec 100 personnes qui travaillent sur le projet, les 100 personnes ont plein de questions à leur poser, ils ont des sollicitations, donc il faut gérer un peu toutes ces choses-là, en faisant le tampon, comme ça. Et donc ça, c'est du côté de l'équipe, et d'un autre côté, du côté de la production. Les producteurs sont inquiets. Est-ce qu'on va assez vite? Est-ce qu'on fait les bons choix, etc. Et ils transmettent très facilement cette inquiétude aux réalisateurs. Et là aussi, il y a une chose, c'est que si on est interlocuteur des producteurs avant, on normalise ou on atténue un petit peu leurs inquiétudes, on répond à un certain nombre de questions, et ça préserve aussi le réalisateur. Quand on entend ça, on a presque l'impression, pour ceux qui ne connaissent pas, que le métier d'assistant réalisateur, c'est un métier qui n'est pas évident. En plus, on ne récolte pas grand-chose, on fait le tampon entre les deux. Et je rappelle souvent cette phrase de l'assistante Fellini, qui on dit, donc assistant réalisateur, et qui on dit « Mais pourquoi vous ne passez pas la réalisation vous-même » Et il dit « Mais grâce à moi, Fellini, l'un des plus grands génies du monde, réussit à faire ses films. » Est-ce que c'est ça un peu une récompense d'un assistant réalisateur? C'est de te dire « Ah ben, j'ai quand même pas mal aidé à ce que le résultat final... » Moi, j'ai toujours mesuré ma récompense en considérant le projet qui était là au départ, au moment où on arrive, et le résultat obtenu. C'est-à-dire, si on est au plus près, alors je suis content. Voilà. Et c'est vrai que, chemin faisant, il y a énormément de raisons pour s'écarter de la ligne. Le film évolue, hein. Je veux dire, alors Persepolis en particulier, c'est un film qui a été en constante évolution et dont l'animatique a été remaniée, je sais pas, deux semaines ou une semaine avant la livraison des images finales, quoi. Donc, c'est un film qui a été tout le temps en évolution, mais c'est pas tellement préserver le film que sa dynamique, en fait, que la dynamique de travail qui va dans le sens d'une amélioration, du fait de pouvoir pousser plus loin, le plus loin possible, les choses. Donc ça demande de l'organisation, si vous voulez. Quand on remanie un animatique pendant que tout le monde est en train d'animer, il y a un truc d'organisation là pour faire en sorte que ça puisse se faire, que la proposition de l'animatique puisse être validée et reprise à l'animation sans qu'il y ait de heurts au niveau de l'organisation générale. Mmh. Donc je le mesure à ça, en fait. Mais donc ça demande de l'écoute des deux côtés, ouais. du côté évidemment du réalisateur et de l'équipe, qui ne doivent pas rentrer en conflit justement en disant « il nous ennuie de vouloir ça » ou alors « elle nous ennuie de faire ça ». Ouais. Ouais. Alors c'est, par exemple, pour donner un exemple qui va dans ce sens, on a imaginé à un moment donné, au milieu de la production, quand on a senti qu'il y avait effectivement un risque d'écart entre un point de vue qui était celui de la réalisation, je dis de la réalisation parce que c'était Marjane, Vincent, dans une autre mesure Marc Jousset aussi, et puis le reste de l'équipe. Et à un moment donné, je me suis rendu compte d'une chose en les observant, c'est que toute l'équipe travaillait sur des parties segmentées du film, et personne voyait vraiment, à part le monteur ou le monteur et puis celui qui fera le compo, le résultat final. Alors on a imaginé de faire toutes les semaines ou toutes les deux semaines une petite projection des derniers plans finalisés. Notamment, c'était très important pour moi, pour les animateurs, mais surtout pour les assistants. Parce que les assistants, j'ai noté que c'était un des boulots les plus importants pour la cohérence des mouvements de l'animation, puis en même temps un des plus ingrats. En gros, un assistant qui travaille bien, un bon boulot d'assistant, ça se voit pas. Voilà, c'est ça le principe, quoi. C'est-à-dire qu'on voit le plan, il a l'air normal, tout a l'air de bien se passer, c'est parce que l'assistant a fait son boulot d'un bout à l'autre. Et quand les assistants ont vu les plans finis et surtout tracés, parce qu'il y avait une très belle trace pour Persepolis, hein, les traits étaient très élégants, très beaux, c'était intéressant pour eux de voir d'une part que le résultat leur plaisait, et puis que leur travail était préservé, et pour les animateurs aussi de voir que les intentions, parce que quand ils démarrent au début, au moment de l'animation, il y a pas mal de choses qui sont encore un petit peu rough, un petit peu brossées comme ça. Voir que les plans finalisés rendaient justice aux intentions qu'ils avaient placées au départ, c'était important. Et toutes ces questions-là, c'est quand même important parce que à l'intérieur des dynamiques de travail, voir le résultat, avoir cette satisfaction du travail fait, ça donne de l'énergie. Est-ce que donc, quand on réussit ça, quand justement on arrive à bien mettre en place tous les... visiblement, donc, enfin, tous les dialogues, hein, entre donc la réalisation, la fabrication, même la production, enfin, évidemment tout ça, le succès du film, est-ce que c'est pour ça qu'on t'appelle pour faire d'autres choses? Est-ce que tu as de suite plein de possibilités de faire de l'assistant? Est-ce qu'on te catalogue d'un seul coup en tant qu'assistant réalisateur, alors que tu es réalisateur de cours aussi avant? On va en parler un petit peu plus tard. Est-ce que Persepolis a engrangé ça? En fait, c'était un peu bizarre pour moi, parce qu'à l'époque, moi, je résidais à Tours. Et après le film, je suis rentré à Tours. Et il s'est rien passé, quoi, pendant des mois. Et moi, comme un idiot, je pensais... Déjà, j'avais un peu j'avais la grosse tête, parce que le film avait marché, donc j'avais un melon infernal. Et moi, j'attendais qu'on m'appelle, quoi. Et ça n'a jamais sonné, le téléphone. En fait, il y a un truc très simple, c'est qu'il faut revenir voir les producteurs ou les réalisateurs, mais surtout les producteurs, et puis là, ils se souviennent que vous existez. Et il vous dit, ah ben tiens, justement, j'ai un projet. Et puis alors là, ça redevient naturel, c'est revenu, j'ai pu reprendre le travail à ce moment-là. Mais effectivement, je me suis rendu compte, à la longue, hein, par la suite, que Persepolis, c'est vraiment quelque chose qui a... ça donne confiance, quoi. Voilà, parce que c'est en termes d'organisation, en termes de travail, c'est quand même un film qui s'est fait entièrement en France, dans le même studio. Donc ça veut dire qu'il faut gérer tout le monde au même endroit, etc. Ça implique tout ça, quoi, aussi. Ouais, sur des choses qui n'étaient pas... Enfin, on peut parler de Folimage, mais qui avait un studio depuis depuis des années. Bon, je suis bien content, c'était mais pour un long métrage, c'était un peu nouveau, il y avait quelque chose à vraiment à construire. Ah ben, Folle Image avait déjà fait ça, mais c'est vrai que le fait qu'on soit sur ce même schéma de production, ça veut dire qu'on a affaire concrètement à toutes les étapes. Enfin, c'est une sorte d'école, quoi, comme ça. Et donc, et puis le succès du film faisait la renommée même du film faisait que on finit par être associé à ça, oui. Pour revenir à ce que tu disais, c'est intéressant. Par exemple, bon, qu'il y a des étudiants qui nous écoutent, par exemple. En fait, faut jamais, même si on fait un film qui marche, faut jamais se reposer sur ses lauriers, se dire oh là là, ça y est, c'est bon, j'ai fait quelque chose qui a un prix à Bru, un prix à Annecy ou je sais pas quoi. Là, on va m'appeler. Faut toujours être d'attaque justement pour même pouvoir faire ce qu'on a envie de faire peut-être, plutôt que d'attendre et. Oui, le problème de. Je parlais de la grosse tête tout à l'heure. Le problème de la grosse tête, il est lié. Il était moins lié au fait d'avoir eu le sentiment de réussir quelque chose que le fait que le film a eu vraiment un très gros succès. Donc c'est on est enfin l'animateur moyen, il est pas dans ce bain-là. Il fait pas de photocall, il fait pas de descente de marche, il fait pas de trucs comme ça. Donc on est plutôt habitué à travailler en atelier, en studio avec une équipe, c'est un travail on parle souvent d'artisanat en France, on a hérité quelque chose de ça. Et c'est en fait le melon, il est venu avec le contraste en fait. Le vrai truc en fait, c'est pas tellement de se reposer sur ses lauriers ou pas, c'est vraiment la collaboration à Persepolis, ça s'est fait avec un appétit énorme et finalement l'enjeu avec les films suivants, c'est de garder cet appétit en fait. C'est surtout ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu dis Persepolis, on l'a fait comme on fait l'animation normale sans se dire là on va faire le film génial justement qui va tout tout révolutionner. Mais Cannes est d'un seul coup une médiatisation un peu plus forte qui est à la fois importante, on en reparlera tout à l'heure, j'ai parlé un peu des Césars et évidemment je voudrais que tu t'en parles, qu'on en parle un petit peu ensemble. Mais c'est-à-dire que cette médiatisation, c'est elle qui d'un seul coup, on n'est peut-être pas encore habitué ça à l'animation, c'est-à-dire qu'on est facilement... Ça va venir, hein, je veux dire, avec quand on voit le parcours d'Ernest et Célestine, quand on voit le parcours d'un Sylvain Chomet, de gens comme ça, ça va venir progressivement. Mais en même temps, c'est surtout parce que je faisais partie de l'équipe. Quelqu'un comme Marjane, elle l'a beaucoup mieux vécu parce qu'elle avait déjà eu du succès dans la bande dessinée. C'est quelqu'un qui est reconnu dans beaucoup de pays dans le monde. Donc ça s'est pas joué de la même manière. Et puis c'est redescendu très vite. Hein. On est très vite avec un bon sens de l'humour et une notion du ridicule. On s'en sort très bien après coup. Mais il y a quelque chose qu'il faut arriver à manier. De toute façon, il y a une chose avec l'animation pour répondre à cette question qui concerne nos amis de Closer ou quelque chose comme ça. L'animation va y venir gentiment comme ça. C'est-à-dire, il y a un peu, maintenant, il y a de plus en plus, par exemple, d'acteurs connus qui prêtent leur voix. Il y a des choses comme ça qui font que, en même temps, Le Roi et l'Oiseau, c'était pas des clampins qui faisaient les voix non plus, hein. Mais le monde médiatique était pas ce qu'il est aujourd'hui non plus. Donc, il va falloir faire attention à ça, mais dès qu'on se remet à faire un film, à dessiner, à animer, on se recalme tout de suite, ça va. Comment on passe, ce qui est étonnant quand on regarde, comment on passe de aussi bien de Persepolis à Moi, Moche et Méchant, au Congrès, ou à Moumine, j'ai vu, ouais. C'est ça. Comment on passe sur des films qui ont l'air complètement, alors que par contre, dans ton travail, on en parle de réalisateur, là on a des choses qui se retrouvent, des thèmes qui se retrouvent, des techniques qui se retrouvent, et là on a l'impression qu'on part dans, alors pas toujours avec les mêmes postes. Ouais. Est-ce que c'est ça ou alors on se dit tiens, c'est une nouvelle opportunité à chaque fois ou un nouveau challenge à chaque fois, enfin quelque chose comme ça? Ouais, alors ce que j'ai pas expliqué, c'est que moi j'ai un travail d'assistant réalisateur qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a des assistants réalisateurs qui assistent réellement au niveau du travail. Par exemple, quand les réalisateurs sont aussi animateurs, les assistants vont pouvoir préparer un certain nombre d'éléments, de layout, de choses comme ça. Moi, je suis pas tellement sur ce terrain-là. Je suis vraiment sur, vraiment, comme je l'expliquais tout à l'heure, à l'articulation entre des problématiques de production, de création, d'organisation d'équipe. Je veille à faire en sorte que le flux qu'il y a entre tous ces pôles-là à l'intérieur d'un film puisse être les plus fluides possibles. Donc c'est quand même particulier. Je pense qu'il y a d'autres assistants réalisateurs qui ont un profil beaucoup plus technique. Et le fait que j'ai pas ce profil aussi technique m'a rendu plus polyvalent aussi. Et ça m'a permis d'aborder, comme je disais que j'avais une part liée à l'organisation et à la production, ça m'a permis de travailler sur Moi moche et méchant, sur le premier, en tant qu'attaché de production. Ce qui était très difficile pour moi, parce que j'ai travaillé avec des gens qui étaient vraiment rompus à ce travail-là. Il y avait notamment, c'était pratiquement que des femmes qui pensaient simplement trois fois plus vite que moi, qui étaient cinq fois plus ordonnées et au taquet, quoi. Donc j'ai vraiment appris, quoi. Moi, il y a toujours cette notion-là. C'est sur un projet, j'ai besoin de pouvoir apporter quelque chose au projet et que le projet m'apporte quelque chose, que je puisse apprendre un truc. Sinon, l'ennui nous guette, quoi. Et c'est vrai que là, on parlait des Moomins, c'est un projet qui est en cours de production. C'est un projet qui est partagé entre la France d'un côté et puis un studio chinois. Et ça m'intéressait, ça, de travailler là-dessus, parce que j'entendais beaucoup de gens se plaindre de ça, d'un manque de qualité dans le dialogue qu'il pouvait y avoir entre des équipes françaises et chinoises. Et moi, depuis des années, je me disais, j'irais bien en Chine voir qui sont ces fameux Chinois qui travaillent, qui sont ces équipes, comment ils travaillent, pourquoi ça communique pas, etc. Et ça, c'est passionnant, c'est vraiment intéressant. Et il y a moyen de travailler et de faire des choses là-dessus. Alors, il y a deux projets sur lesquels on peut s'arrêter un petit peu rapidement, parce qu'il y en a qui a marché, c'est le congrès. Enfin, ça n'a pas marché mal en salle. Non. Ça n'a pas du tout marché en salle. Alors, moi, j'ai une problématique par rapport au congrès, c'est que je trouve que la prise de vue réelle, l'anime est très belle, mais j'ai l'impression qu'il a plus travaillé la prise de vue réelle au niveau du scénario. Non, qu'est-ce que t'en penses? Là, c'est une question qui est directe, mais j'ai trouvé la partie prise de vue réelle très intéressante, qui mélangeait plein de choses. Et dès qu'on arrive à l'animation, et je parle pas de la technique, là je parle vraiment du scénario, j'ai l'impression qu'on était dans quelque chose d'un peu plus simplifié, on va dire. C'est quand même un film curieux, hein, sur plein de points de vue. Il y a un problème de toute façon, c'est que l'animation représente un trip. C'est-à-dire, à partir du moment où elle prend des substances, l'héroïne, elle bascule dans un trip d'une sorte de comment on appelle ça, de fantasmagorie, en fait. Donc à partir de là, le scénario, il s'en prend un coup dans la tronche, quoi. Ouais. C'est-à-dire que l'espace-temps est rompu. On ne sait pas où on est. On meurt, on revient. Enfin, il y a un truc comme ça qui est compliqué à gérer. Il y a un moment où j'ai pensé que l'équipe de Folman réduirait cette partie-là, parce qu'elle est très longue quand même, elle est très imposante, et ce qui s'y passe est extrêmement fourni. Et ils sont vraiment restés. Moi, j'ai vu quand je suis arrivé en cours de production sur ce film, hein, et quand je suis arrivé à Tel Aviv et qu'on m'a montré l'animatique, ils ont pas dévié d'un iota. Alors ça, c'est un côté que j'aime bien, moi, dans les équipes, c'est les mecs qui sont jusqu'au boutiste et qui vont au bout de leur truc. Et c'est vrai que c'est confus. C'est vrai que cette partie animée, elle est confuse, on s'y perd. C'est difficile de dire, parce qu'il y a une partie où on doit se perdre. Ça fait partie de la proposition, en fait. Et personne n'aime ça. Personne n'aime ça. Et il y a un deuxième truc qui vient par-dessus, une deuxième couche qui vient par-dessus, c'est que non seulement on est perdu, mais en plus on est perdu à un moment où le film... C'est quand même un film très triste, quoi. Oui, mais en fait, moi, c'est ce qui m'a posé problème. J'ai trouvé que on était très pessimiste dans cette partie-là, et que je trouvais que l'animation et le virtuel pouvaient ramener... Alors, c'est pour ça que c'est un film qui m'intéresse, et que j'ai combattu avec le film, parce que moi je me disais, mais non, l'animation et le virtuel peuvent amener beaucoup, peuvent amener peut-être autre chose finalement aussi, sans enlever les relations humaines. Et je trouvais que le film, d'un seul coup, là, disait, oh, on va enlever beaucoup de choses aux relations humaines, justement, avec le virtuel, et donc forcément un peu l'animation, mais le virtuel. Moi, je crois qu'il y a une méprise sur le discours. Enfin, moi, je le vois pas exactement comme ça. Pour moi, ce qui est dit dans le film sur l'animation et le virtuel, c'est ce qui est dit sur le spectacle d'une manière générale. C'est-à-dire qu'il vient suppléer à la vie. Et la question de la représentation, la question de l'image. En gros, on dit, il y a un moment donné, tu peux abandonner ce que tu es pour embrasser ton image. Et ça, c'est pas un problème de pessimisme, c'est une photo assez réaliste de ce qui se passe aujourd'hui et qui est à l'œuvre depuis pas mal de temps. Donc c'est pas du pessimisme, ça. Ça, c'est, il y a une part de réalisme. Là où le film est dur avec le spectateur, c'est que il y a aucune alternative, très clairement. Là, oui, le pessimisme, il est là. Il est pas dans la partie du constat, pour moi, on y est. Il n'y a pas de souci là-dessus. On est dans le truc. Mais sur comment on sort, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, là, très clairement, on est pieds et poings liés et il est désespérant, quoi. Alors, on va y revenir un petit peu plus tard sur ça. Je voulais juste parler, avant de faire une petite coupure, d'un des projets qui me paraît intéressant, parce que, en effet, comme tu le disais, en France, on a cette problématique, et je pense en Europe et peut-être en Occident, de voir les Chinois que comme des sous-traitants, en se disant, oh là là, mais eux, ils sous-traitent, ils nous prennent soi-disant tout le boulot, ils sont mal payés, etc. Et il y a une scène indépendante chinoise qui monte, et qui, à mon avis, dès qu'elle va arriver, aussi bien en court-métrage qu'en long, en France, on va être, enfin, dans le reste du monde, je pense qu'on va être très surpris, une grande partie, voilà, des gens qui jettent la Chine, l'animation chinoise. Et notamment, tu travailles avec un réalisateur qui a fait l'un des films les plus intéressants ces dernières années, un long métrage, alors qui s'appelle Piercing One ou Piercing Eye, je ne sais plus comment on prononce. C'est Piercing One. Piercing One, hein, c'est ça. Hein. Piercing One. Et il travaille donc en France sur en plus un sujet qui correspond, qui parle aussi de la Chine. Oui, c'est un projet du réalisateur et photographe Patrick Zachman. Et en fait, il a publié un livre sur cette histoire et il a photographié la diaspora chinoise, en fait. Et pour pouvoir photographier tous ses représentants, comme ça, alors que c'est très difficile d'accéder à ces personnes, à des moments particuliers, il a été guidé par un homme extrêmement mystérieux, un Chinois, qu'il a rencontré, qui lui a permis d'accéder à un certain nombre de... qui l'a fait rentrer dans Kowloon City, etc. Et effectivement, Patrick Zachman n'étant pas réalisateur de films d'animation, il y a un moment donné où moi je connaissais Liu Jian parce que j'avais participé à la sélection des longs métrages à Annecy l'année où il présentait Piercing One. Et donc on a sympathisé. Et quand j'ai vu le projet et que j'ai été sollicité pour travailler dessus, j'ai pensé à lui. Et en fait, effectivement, les choses se sont faites comme ça. Le film est en développement actuellement. Et Liu Jian, c'est vraiment quelqu'un... Alors, il a fait son film tout seul, pratiquement, avec Photoshop et After Effects. Et c'est quelqu'un qui continue à évoluer, parce que j'ai vu... Il prépare d'autres films, par ailleurs. Hein. Il a aussi ses propres projets qui sont en cours. Et j'ai vu un teaser qu'il a préparé pour pouvoir financer son prochain film. Et c'est vraiment un réalisateur qui a un sens comme ça, qui a une vision, qui voit les plans, qui voit les scènes et qui a une vraie vision et qui arrive et qui a assez de technique en termes de dessin pour pouvoir la faire naître, quoi, enfin la partager, enfin ça marche, quoi. Et ça, c'est vraiment en discutant avec lui, c'est vrai que ça remet à zéro tout ce qu'on peut connaître, c'est-à-dire pratiquement rien sur la Chine aujourd'hui, sur la création, sur comment en tant qu'artiste ils vivent, quelles références ils ont, vers quoi ils lorgnent, etc. Et ça, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment pour nous, ça va être pour les Européens, ça va être un super dialogue à entretenir avec eux. Est-ce qu'en tant que ces questions toujours la main dont je les pose, je me dis toujours, oh, peut-être que ça fait un peu lourd ou quoi, mais parce que ça m'intéresse, je me dis, est-ce que pour un être humain, enfin voilà, quand on est un homme et qu'on est un peu politisé, est-ce qu'il y a forcément des projets, ce projet-là, on sent, enfin voilà, il y a forcément une envie encore plus importante de le faire. Je vais pas dire que moi je suis méchant, mais je pense vraiment, vraiment là, je parle pas de l'artiste ou de la personne qui se dit, ah bah tiens, là, ça m'intéresse ce projet-là, même moi je suis méchant parce que j'ai pouvoir travailler ça et ça que je connais pas, mais je suppose que, voilà, socialement, politiquement, enfin dans l'engagement, il y a des projets qui doivent encore plus nourrir et encore plus donner envie. Il y a une chose, c'est que le cinéma d'animation, il recouvre énormément de réalités. C'est-à-dire qu'en gros, si on est gourmand, on peut trouver plein de trucs à manger. Moi, Moche et Méchant, c'était une vraie expérience pour savoir travailler en équipe, pour savoir travailler avec... il fallait aussi travailler avec des gens qui avaient une autre culture, c'était les Américains. Mmh. Et il faut apprendre et comprendre et travailler avec eux, dialoguer, c'était tout aussi passionnant. C'est vrai que les enjeux politiquement, par exemple, sont pas les mêmes. C'est vrai que travailler avec Liu Jian, il y a un vrai truc de découverte en même temps, mais avec derrière, effectivement, l'idée de pas de contredire, mais d'apporter un autre angle à la façon qu'on a habituellement de considérer la Chine. De toute façon, on considère toujours la Chine d'un point de vue économique. Ok, d'accord, allons-y, quoi. Je veux dire, on va laisser ça à Challenge et à Capital, mais si on peut aussi voir qu'il y a des gens qui vivent en Chine, par exemple. Il y a des gens, et quand ces gens-là réalisent des films, On a des trucs à se raconter, forcément. Donc moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et c'est vrai que on est loin de la sous-traitance, là. On va faire une petite pause et je vais demander... On va prendre la quatrième, comme ça j'ai pas trop... on va prendre la piste 4 et la piste 5. Il y a des fois, on est fiers et on le dit, une émission de radio, ça peut permettre de le faire. Hier soir, je vous avoue, voilà, vous savez, je dis souvent des choses personnelles, j'étais voir mon frère jouer, il fait de la guitare jazz au Petit Journal Saint-Michel et c'était très très bien. Et donc je me suis dit que j'allais faire encore un petit coup de pub à son album, c'était pas la même formation, mais c'est le GFB's New Quartet, on va écouter Ronnie's Tune. Et voilà, et donc c'était juste, je sais qu'il écoute pas la bulle de rêve, donc ça me permet d'autant plus de dire que je suis très fier. Et donc voilà, on écoute donc la piste 4 et on enchaînera sur la piste 5. Nicolas, merci beaucoup. Thank you. Vous ne faites pas d'achat, vous n'avez pas le moral. Porte-monnaie à plat, tout cela est bien normal. Prenez une carte super et vous saurez tirer l'affaire. Laissez-moi, car je dois terminer ma partie. Vraiment ? Pas possible. C'est quel jeu ? Le voyons, c'est le Supermarket Boy. Mon fils a le même et j'y joue très souvent. Et bien qu'attendez-vous pour venir m'aider ? Tout de suite, madame, j'en serai très flatté. Allons, détendez-vous, laissez-moi vous montrer les trucs et les astuces de ce jeu enchanté. Alors conduisez-moi jusqu'à la caisse centrale. Ne vous inquiétez pas, car pour moi c'est banal. Il faut bien éviter tout le rayon wifi. Là nous pouvons passer, ce sont de petits prix. Ce sont de petits prix. Supermarket Boy. Alors, Supermarket Boy. Supermarket Boy. Alors, il y a plein de choses qu'on n'a pas dit. C'est Bulle de rêve toujours de Nival Genvitz. Ouais, c'est pas une, c'est pas une attaque. Pour discuter. Non, non, c'est. Il y a plein de choses dont on aurait pu parler, hein, parce que tu étais réalisateur sur Hilltop. Oui. En volume, hein, sur Folle Image, il y a et eu. Sur la bûche de Noël de. Sur la bûche de Noël. Ouais, de Panico Village. Responsable création de carrément du studio, enfin, acyclique. J'ai vu ça. Ah non, mais le studio, c'est, je l'ai inventé. D'accord. Donc les gens qui vont maintenant travailler à Cyclic, qui sont en résidence, c'est parce que c'est toi qui as fait tout le studio, qui a créé. Non, attends, j'ai pas fait tout le studio. J'en ai eu l'idée. J'ai travaillé à sa mise en place, à sa conception, à sa mise en place, et j'ai travaillé dessus avec Eric Reginaud qui s'en occupe magnifiquement aujourd'hui pendant 5 ans. Voilà. Et ça, c'est vrai que. C'est une des choses dont je suis très très fier, par exemple. Ouais. Ouais. Ah bah oui. Oui, ouais, parce que c'est vrai que c'est un bel endroit maintenant pour ben travailler. C'est aider. C'est un super endroit. Il y a quand même des films vraiment intéressants qui ont été réalisés et fabriqués là-bas. Et puis j'aime bien le geste aussi. C'est-à-dire que pourquoi je suis fier de ça ? Parce que c'est quand même très proche de ma façon de penser les choses. C'est-à-dire tu t'as une idée qui profite à tout le monde, tu fais en sorte qu'elle existe, tu fais en sorte qu'elle marche, qu'elle puisse perdurer, et puis après tu pars. Pour moi, on frôle la perfection. Est-ce que ça, c'est important ? Parce que quand on regarde quand même, quand je disais en début, je disais du beau monde, hein, quand je reçois Denis Valganvitz, il y a plein de gens derrière. Assistant réalisateur sur le film de Tardy, un monde truqué. Sur le développement. Hein. Sur le développement, sur celui de Michael Dudoc de Witt. Oui. J'ai pris ma linéa. Alors en plus c'est drôle parce qu'on j'imagine juste entre pris ma linéa, je suis bien content, MacGuff, on a l'impression que c'est des, comme tu disais, c'est des mondes, enfin c'est le même monde du cinéma et du cinéma d'animation. On a l'impression quand même qu'ils sont très éloignés chacun là de ces studios là. Ouais, au fil des années, ils ont développé un savoir-faire particulier. Ils ont fait leur studio à leur main, en quelque sorte. Ils ont pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes personnes qui les portent. Et on sent cette histoire-là. Et moi, comme je disais tout à l'heure, ce qui me plaît finalement, c'est de voir la différence. Qu'est-ce qui marche d'un côté? Pourquoi ça marche de l'autre? Qu'est-ce qui marche pas? Sur quoi on peut travailler? Qu'est-ce qu'on peut développer? Ça, c'est passionnant. C'est vraiment... en France, on a quand même cette chance. C'est-à-dire qu'on n'a pas des studios qui se ressemblent tous les uns les autres, quoi. Je veux dire, on parlait de Folle Image tout à l'heure. C'est quand même un studio qui, pendant des années, a développé des projets en 2D et puis en volume, en marionnette, comme ça, côte à côte, avec ce foisonnement, avec des gens qui passaient d'un domaine à l'autre, etc. Donc, c'était... Ça, c'est super intéressant, ouais. On peut parler peut-être avant de parler de la réalisation des deux derniers projets, parmi les deux derniers projets, parce que c'est des duos à chaque fois. Anne-Laure Daffy, c'est Léo Marchand d'un côté pour La Vie sans truc et Patard et Aubier pour La Bûche de Noël. C'est les gens que tu connais évidemment avant, que tu as rencontré en festival, etc., qui te disent, ah ben, ça serait bien que tu viennes nous donner un coup de main, ou comment ça se passe? Non, en fait, Anne-Laure et Léo, bizarrement, je les connaissais pas très bien. Je les connaissais de réputation, j'avais vu leurs films. Mais c'est tout. Et en fait, c'est Christian Pfoll qui m'a contacté parce qu'on s'était... En fait, c'est plutôt Christian que je croisais régulièrement, avec qui je dialoguais, etc. Et puis j'avais le producteur de l'Ardux. Oui, pardon. Non, non. C'était le producteur du film, le producteur de La Vie sans truc. Et au moment où il me contacte, en fait, le film redémarre. Parce que c'est un film qui s'est fait sur une très très longue durée, avec des périodes d'interruption, etc. Donc là, il redémarrait et il devait aller au bout. En fait, c'était le dernier démarrage avant la fin, la dernière ligne droite. Et en fait... au moment de redémarrer, ils se sont rendus compte qu'en termes d'organisation, il y avait tous les morceaux qui avaient été réalisés avant, qui étaient un petit peu éparpillés, qu'il fallait un peu reconnecter tout ça, d'une part, et d'autre part, trouver un ordre de marche pour que le truc ne s'arrête plus jusqu'au bout, quoi. Donc en fait, je suis venu, j'ai fouillé dans leur serveur, j'ai regardé, remis un peu les choses en ordre, proposé une organisation des choses pour les différentes étapes. Alors ça demande... À chaque fois, je fais la même chose. Chaque fois que j'arrive sur un nouveau projet, je m'assois et j'écoute. Je dis, alors, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous y prenez? Qui est-ce qui fait ça? À quoi ça sert? Etc. J'essaie de comprendre où en est le projet et de quoi il a besoin, en fait. Et une fois que j'ai passé une journée ou deux à écouter, à noter, je commence à faire les premières propositions, souvent d'organisation. Je dis, tiens, si on organisait ça en trois étapes plutôt qu'en quatre ou en deux, ou peu importe. On me dit, ah oui, c'est bien, c'est intéressant. Je tâtonne, en fait. Et puis quand je sens que on est un petit peu sur la même longueur d'onde, là, on commence vraiment à dérouler et à faire les choses, quoi. C'est important qu'on est dans des univers aussi barrés, ben, que les deux, hein. À la fois La Vie sans truc et La Bûche de Noël. C'est vraiment des choses qui partent un peu dans tous les sens. On essaye de garder aussi cette énergie, parce que c'est différent d'un long métrage, même si c'est 17 et 26 minutes, hein, 26 minutes. Ouais. On essaye de garder l'énergie. Moi, je trouve que ça fonctionne bien dans les deux films. On garde. Il y a quelque chose qui est très, très fort. Là, moi, j'ai aucun mérite, hein, là-dessus. Il y a quand même des réalisateurs qui ont une énergie de, enfin, hors du commun, quoi. Aubier et Patard, c'est quand même un mystère de la nature. Vraiment. Ouais. Vraiment. On arrive. Mais ça, je l'ai senti souvent, hein. Sur le congrès d'Harry Folman, quand j'arrive à Tel Aviv, je sens ça. Vraiment, je sens une équipe. Ouais. Il y a une équipe artistique qui est hyper soudée, avec des gens convaincus, avec une très très belle énergie. Donc en fait, on la partage, hein. On la partage, on y apporte la sienne. Et puis, ce qu'il faut, c'est les questions de direction. C'est vraiment de comprendre où on est et que font les gens, quoi. Parce que il faut pas ramer à contresens ou devenir un frein. Ça serait vraiment un cauchemar, quoi. Alors juste après, donc j'ai oublié de vous dire aussi, je vous dis le générique, qu'aujourd'hui on le devait à M83, qui est un groupe électro français, et c'était un morceau qui s'appelait Sister. Donc juste après le GFB's New Quartet, on a entendu ta voix chanter, nous on l'a eu en direct. C'est vrai que tu t'en souvenais complètement, puisque oui. 99, hein, comme un pixel sur la soupe. Il y a trois courts-métrages réalisés par Denis Valganvitz aujourd'hui, qui sont... alors un, j'ai aucune idée, parce que j'en ai vu aucune image, enfin je connais pas du tout ces trois petits cochons. Dans l'espace. Ouais, c'est un film qui s'est tourné, c'est un film de marionnettes qui s'est fait sur des plaques de verre en bas-relief, en fait, hein, avec des fruits et des légumes. Ça se passe dans l'espace et c'est des histoires. C'était un film sur la protection de l'environnement. C'est le premier film en sortant après être sorti des Beaux-Arts, en fait, réalisé avec, enfin produit avec une bourse des filles jeunes et fait à la maison dans le grenier, quoi. Et effectivement, c'est un film qui a été diffusé à l'époque, puisque Canal l'avait acheté et diffusé, pas mal d'ailleurs. Et il n'y a pas eu de numérisation du film, etc. Je crois que il y a une bêta, mais c'est une bêta qui est faite pour... Enfin, il faudrait refaire un télécinéma ou quelque chose comme ça. Donc c'est dur à... Ouais. Je sais même pas où c'est, ça se trouve. On sait pas où sont les éléments, parce que les studios, les laboratoires ont pratiquement tous fermé. Et on sait pas où sont les éléments. Bon, j'espère que quelqu'un retrouvera peut-être à non, ça. Non, mais c'est pas tellement pour trois petits cochons dans l'espace. Oui, non, mais non. Le problème, c'est-à-dire qu'avec nous, il y avait plein d'autres projets avec une autre valeur, mais. Bon, c'est jamais quelqu'un qui l'a enregistré à la. Sur Canal, à un moment donné. J'ai des bêtas. Non, on devrait y arriver. C'est vraiment une question de temps. Je pense que ça fait partie de ma liste des choses à faire quand je serai à la retraite. c'est pas maintenant. Bah, bientôt, là. Je te montre ça sur un ordinateur. Attention, c'est hyper... C'est hyper, ouais, c'est hyper radiophonique. Mais ouais. Voilà, un article. Ouais, enfin, voilà, de la revue. Un article, un duo de cinéastes avec Cocotte Minute. Ça, ouais. C'est pour Comme un pixel. Dans la soupe, et tu dis quelque chose comme dans l'article, comme disait mon père, faut boire frais, explique Denis Valganvitz. Ouais. Lorsqu'on anime, on a presque l'impression que nos battements de cœur ralentissent. Ouais, ça, c'est vraiment Quand on démarre vraiment sur des projets comme Un pixel sur la soupe, c'est un film qui fait 13 minutes, ouais. Où on fait tout nous-mêmes, on fait les décors, on a fait énormément de choses nous-mêmes. Et c'est vrai que même l'animation, c'est quand même des grandes sessions d'animation. On a les premiers line tests, retour vidéo des marionnettes. Et donc, ouais. On commence à pousser l'animation. Ça devient assez fin, un peu trop même, à mon goût. On devient trop précis et du coup, on y passe pas mal d'heures. Et c'est vrai que ça nous met dans des états très particuliers. C'est-à-dire que là, ce film-là a été fait. C'est une maison qu'on avait. On habitait à la campagne, on était isolés de tout, il n'y avait pas de commerce, rien. Et c'était dans une grange, en fait. Hein, et on tournait là-dedans à longueur de mois. Et c'est vrai qu'il y a un moment où. Mais des animateurs qui tournent aujourd'hui en stop-motion pourraient en parler. Des gens comme Gilles Coirier, par exemple. Je pense que oui, il y a un état particulier quand on approche les marionnettes et quand on commence à les manipuler. Ouais. Tu l'expliques dans un texte que t'as écrit pour un livre qui s'appelle Du Praxinoscope au Cellulo, et on te fait écrire sur Starevitch. Et en effet, aujourd'hui, cette technique pourrait paraître désuète. On continue aujourd'hui à produire des films de marionnettes, certainement parce que les marionnettes animées continuent, comme ce lion, à exprimer plus que ce qu'on leur demande et souvent aller au-delà des intentions des animateurs. Et c'est ce que dit tous les gens qui travaillent le volume de Barry Purves à Trinca, enfin, ou Kiyachiro Kawamoto, pour vraiment dire des grands disent, mais Kiyachiro Kawamoto même me disait une fois, j'avais eu une chance de l'interviewer, que des fois, il y avait certaines marionnettes, il avait l'impression, qu'il refusait de jouer un rôle, de dire, ben non, là, c'est pas pour moi, t'es en train de me faire jouer un mauvais rôle, change le rôle. Parce que la marionnette n'arrivait pas à faire un mouvement ou ce genre de choses. Et donc, elle lui dictait quelque part. Est-ce que ça, on ressent ça quand on fait donc du volume ? Moi, j'ai une anecdote qui va complètement dans ce sens. C'est que dans Comme un pixel sur la soupe, le chat avait dans le scénario un rôle beaucoup, beaucoup moins important que ce qu'il a au final. Le truc, c'est que quand on a commencé à l'animer, à lui faire jouer les toutes petites parts qu'il avait à jouer, il avait une telle allure. Il avait une telle aisance ça a poussé tout seul. On l'a vraiment suivi, quoi. Ouais, mais vraiment, littéralement. Mais j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que c'est on peut pas ne pas s'interroger face à ça. Moi, je suis très admiratif du travail de Jean-Luc Gréco et Catherine Buffa parce que non seulement leur travail de réalisateur, mais particulièrement ce qu'ils font avec la marionnette, de la fabrication à la façon qu'ils ont de les faire jouer. Par exemple, ils animent les poses immobiles, par exemple. Quand les personnages ne font rien, ils sont animés. C'est-à-dire qu'ils les touchent, en fait. Ils les touchent, donc en fait, il y a une sorte de vibration légère, comme ça, sur eux. Ils vont assez loin, comme ça, là-dedans, sur leur regard, etc. Je crois que les gens qui ont approché un peu cette question-là, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas, c'est les frères Poirot, par exemple, dans Les Escarpins Sauvages. Ils représentent, leurs marionnettes sont des fétiches, en fait. Et moi, ce que je pense, c'est que je me demande s'il n'y a pas un lien entre les marionnettes qu'on fabrique et ce qu'on leur fait faire dans les films avec quelque chose qui date d'avant le christianisme, en fait, qui date de l'époque où on était païens. Et on avait des idoles et on les représentait comme ça avec des marionnettes qui avaient un vrai pouvoir. Elles avaient un pouvoir de représentation, elles avaient une vraie présence, en fait. Quand on regarde les statues, qu'elles soient en terre, en bronze, elles nous font face et elles inspirent quelque chose. Et c'est quelque chose du même ordre qui se passe. Dans ce que tu dis, est-ce que ça veut dire que peut-être l'animation a encore un rôle à jouer qu'il n'a pas encore découvert, d'aller peut-être au-delà et de travailler sa technique de manière encore plus en profondeur et d'aller encore plus loin? J'ai l'impression que des fois, on reste un peu en deçà de ce qu'on pourrait faire en animation, de ce qu'on pourrait dire finalement. Là, tu parles par exemple du passé de ces marionnettes historiques. Ouais. Moi, je crois qu'il y a des choses, c'est que aujourd'hui, à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, si on reste sur la technique même de la marionnette, je parlais tout à l'heure de l'arrivée des contrôles vidéo qui permettent d'avoir un retour vidéo sur les mouvements et de les contrôler. Ça a beaucoup changé les choses. Mais il y a aussi, je sais pas si on le dit beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'animateurs qui se sont en partie, voire totalement, parfois affranchis du retour vidéo. Il y a des animateurs qui sont revenus à l'animation à la main pour certains mouvements ou des choses comme ça pour justement avoir une autre relation qui passe pas par les yeux, qui passe plus par les mains, en fait. Il y en a encore, parce que j'ai l'impression, Florence Millet, il y avait le même discours que toi en disant, elle disait, mais je trouve qu'aujourd'hui, je passe plus de temps à corriger des erreurs que moi seul quasiment je vais voir ou que les animateurs vont voir, que le public ne va pas forcément voir. Et je perds presque du temps. Et j'ai l'impression que même elle n'arrivait pas à revenir en arrière. Est-ce que toi tu connais... Oui, c'est les mêmes questions. Moi, je ne crois pas qu'on perde du temps. Je crois que c'est à chaque fois qu'il y a une évolution technique ou une révolution technologique, là, il y en a une autre avec la marionnette. C'est tout ce qui est... là, actuellement, on a les imprimantes 3D qui fabriquent les objets et donc qui donnent d'autres possibilités, notamment pour tout ce qui est ce que faisait Georges Pal, en fait, c'est-à-dire l'animation par substitution. Quand on peut fabriquer en 3D toutes les expressions faciales d'un personnage et le faire imprimer par une imprimante 3D, c'est plus du tout la même relation au travail que quand on devait nous-mêmes sculpter chaque expression. Donc il y a toutes ces avancées là. Je parle pas du maniement du silicone, des choses comme ça où on arrive à des choses plus fines. Les armatures se sont affinées, se sont beaucoup améliorées aussi. Donc tout ça, c'est des révolutions technologiques, et à chaque fois, quand on observe, l'animation bloque à un moment donné, c'est-à-dire devient technique, pour redevenir ensuite, réinvestir ensuite le champ artistique de façon plus libre. Donc c'est des sortes d'à-coups comme ça. Moi, c'est pas un truc qui me fait paniquer. Mmh. C'est vrai que c'est moins intéressant, la partie technologique, mais elle est souvent nécessaire pour pouvoir aborder d'autres champs. Donc tu penses que vraiment, voilà, on peut revenir assez... Pas assez facilement, mais en tout cas qu'on peut dépasser justement cette problématique de... La technique, quand même fondamentale en animation, pour aborder d'autres rivages qu'on aborde déjà. Hein, faut pas non plus caricaturer. On le voit en 2D. Depuis que les ordinateurs se sont développés, j'ai jamais vu autant de mecs revenir dessiner sur du papier, alors qu'avant on dessinait sur du cellulo parce que c'était plus propre. Aujourd'hui, on revient à quelque chose de plus rough, de plus vivant. On rechoppe des traits de crayon qu'on scanne. C'est très hybride. Et je crois qu'on est plus dans l'hybridation de toute façon. Mais qui dit hybridation dit qu'on va chercher. On fait ce qu'on veut, en fait. C'est une forme de liberté, en réalité. Pour revenir sur ce qu'on avait légèrement, dont on avait légèrement parlé pour le congrès, le Denis Valgenvitz, réalisateur de courts-métrages, il a une problématique qui est les images, qui est ce qu'il y a derrière l'écran et ce qu'il y a devant. C'est à la fois dans Un amour de télé, comme Un pixel sur la soupe. Alors, bon, je ne peux pas parler pour Trois petits cochons dans l'espace. A priori, non, d'après ce que tu nous as dit. Non, il y avait des représentations d'écran déjà, mais c'était beaucoup plus anecdotique. Ouais. Ça ne faisait pas partie de l'histoire. Parce que là, les deux font partie... C'est dans l'histoire. On a le franchissement comme ça, des deux côtés. C'est quelque chose qui est très angoissant pour toi. Ça m'obsède. Un amour de télé, le principe de l'histoire, je parle pas de l'histoire elle-même, mais le principe même des gens qui avaient une télé à la place de la tête, c'est parce que je me suis rendu compte, en fait, je sais pas, entre 20 et 30 ans, que j'avais passé un temps considérable devant la télévision. Et je me suis demandé ce qu'aurait été ma vie si la télévision n'avait pas existé, en fait. Qu'est-ce que ça change, en fait? Qu'est-ce que ça change en nous, en fait? Je me suis beaucoup questionné, ça m'a beaucoup obsédé, parce qu'une fois de plus, j'étais ignorant de ces questions-là. Mais ça existe dans la littérature. C'est-à-dire que c'est le phénomène qui fait que quand vous lisez un livre, à un moment donné, par exemple, deux personnes qui lisent le même livre ne lisent pas le même, en fait. C'est parce que c'est le livre qui nous lit, en réalité. C'est le livre qui lit en nous. Donc c'est ce truc-là, en fait, c'est la découverte de ce phénomène-là avec les écrans que j'avais du mal à cerner, à expliquer, etc. Et donc il fallait que ça prenne corps et que je puisse le manier avec mes doigts pour le comprendre, en fait. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir fait un film, on dit souvent de travailler ses angoisses ou en tout cas ses obsessions. On va prendre le mot que tu as employé, obsession. Ouais. Est-ce que c'est-à-dire que tu passes au-delà, ou est-ce que c'est encore aujourd'hui cette problématique? T'as cité quand même depuis une heure qu'on discute, donc Closer, on va pas parler de cette histoire ridicule, mais enfin voilà ce genre de choses, c'est-à-dire vraiment cette frontière entre finalement, tu parlais de Cannes, le fait finalement de, à un moment donné, pas de presque prendre la grosse tête par rapport à ça, c'est aujourd'hui, c'est toujours une obsession, se dire, est-ce qu'il y a une frontière entre les deux finalement? Je sais pas s'il y a une frontière entre les deux. Je me demande de plus en plus si c'est pas une seule et même chose, mais c'est évident que la question de la représentation, ça fait longtemps, hein, c'est pas nouveau, hein, cette histoire, mais elle devient de plus en plus prégnante, ça c'est évident. Je veux dire, aujourd'hui, je suis présent sur Internet, j'ai pas eu besoin d'y être présent en mon nom propre, par exemple, parce que c'est tout à fait inutile. Donc, en effet, le Émile Futur que tu représentes, il y a un site internet. Hein. Alors, je passe, on va rester là-dedans. Je passe parce que tu fais pas mal de choses d'illustration pour des clips. Tu as travaillé sur les synchrotypes, par exemple, d'Étienne Chary. Ouais. Où, pareil, visiblement, il y a une collaboration même avec Étienne Chary, un ancien de Oui Oui. Oui. Et qu'on sent qu'il y a des liens donc, comme ça qui se créent. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai effectivement, c'est pas un vrai site, hein, c'est un blog que j'ai développé comme ça, qui s'appelle Futur 2002. Et Futur 2002, petit à petit, est devenu une entreprise. Et une entreprise dont Émile Futur est le patron. Et donc tout ça peut se construire tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est que Étienne Chary, le dernier projet artistique d'Étienne Chary, c'est de créer un label de disques qui s'appelle Catalogue, pour lequel il a inventé de toutes pièces 60 chanteurs ou groupes dont il a peint lui-même les pochettes de disques et pour lesquels il a composé des chansons et il est en train de les incarner les uns à la suite des autres, les faire exister par des gens qui sont pas du tout eux, etc. Enfin, Aujourd'hui, il y a un champ qui s'ouvre, qui est quasi infini, qui est drôle, qui est ludique. Et moi, c'est vrai qu'il me plaît parce que ça m'intrigue en fait. Il y a une anecdote, c'est que j'ai rencontré il y a pas longtemps une animatrice, une réalisatrice qui s'appelle Christelle Soutif, et avec qui on est amis sur Facebook. Enfin, elle est amie avec Émile Futur. Et elle vient me voir et elle me dit « Ah oui, mais dis donc, je savais pas que t'avais monté ta société. » Parce qu'en fait, moi, je poste comme ça des films que je fais sur mon téléphone, quoi, des animations, des gifs, des choses comme ça. Puis je dis « Voilà, on a produit ce truc-là pour une société, je raconte des conneries, quoi. » Et il y a un moment donné où ça semblait vraisemblable pour elle. Et elle me dit « Ah, ben, t'as monté ta société ?» Et je dis « Mais non, c'est des conneries. » Et elle m'en a un peu voulu, elle m'a dit « Mais ah bon, mais moi, j'y ai cru. » J'ai dit « Mais c'est formidable. » Alors vous pouvez regarder sur The Web Anime, on dit bonjour à Yves, bonjour Yves. Bonjour. Donc il vient d'arriver. Vous pouvez regarder sur The Web Anime, bien sûr, vous avez le lien sur Futur 2002, ouais. Hein, sur le site donc des studios et des mille futurs. C'est drôle cette vision. On parlait de Franck Dion tout à l'heure au tout début parce que on parlait comme j'avais pas d'invité qui disait qu'il pouvait chanter. Voilà, il viendra en concert nous faire l'international et tous les grands morceaux importants. Et lui a fait Monsieur Coq. Et il avait inventé en effet ce personnage de Monsieur Coq. Et sur Internet, il y avait le personnage de Monsieur Coq qui existait, enfin en tout cas qui avait une page Facebook et les patrons, etc. Donc on sent d'un seul coup, et derrière évidemment un jeu ludique et forcément critique aussi de la société, de ce qui se passe. Ouais, c'est-à-dire ce qui est bien en fait, c'est qu'on peut monter des sociétés, mais qui ont aucune contrainte financière. Alors on dit oui, en ce moment c'est dur, mais nous on embauche par exemple. On embauche, il y a plein de boulot, on se porte hyper bien. Alors je pourrais même publier des courbes ascendantes, des choses comme ça, et tout en tenant le discours, un discours dramatique sur le fait que quand même les gars qui bossent chez nous, ils sont quand même contents parce qu'ils ont du taf, quoi. Ils ont du boulot, donc ça c'est bien. Alors effectivement, on joue en fait avec les codes et on peut dire à peu près ce qu'on veut, quoi. Là où vous jouez avec les codes tous un petit peu, c'est que vous mélangez finalement des choses qui sont vraies, puisque là, si je regarde donc Futur 2002, il y a 2002 Magazine, Le Passé du Futur, Monsieur X, Projet. C'est les rubriques. Voilà, ça, des ouais. Rubriques, Robots Cieux. Et à l'intérieur de ces rubriques, il y a des choses que tu fais réellement. Ah oui. C'est-à-dire qui sont payées, enfin voilà, où c'est des commandes, des choses comme ça, ouais. Mélangées avec du faux. Donc on est encore dans ce qu'on disait, la représentation et la frontière, quoi. C'est comme les yaourts aux fruits avec des vrais morceaux de fruits à l'intérieur. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vraiment des fruits. Quand on tombe dessus, on est content, c'est ça et... Ouais, c'est ça. C'est la saveur du truc, quoi. Alors, juste après, on reparlera un petit peu de deux, trois petites choses. Je vais parler là, évidemment, de ta voix, on aurait pu parler largement plus, mais le temps passe et comme Yves est là, et avec plaisir, on va parler du festival et de pas mais mal oui. De choses. J'ai lancé au tout début quelque chose, j'avais dit bravo à tous les gens, et dont toi qui s'étais battu pour le César de l'animation. Ah oui. Parce qu'en effet, enfin, donc il y a ces deux Césars, et il y a quand même une nomination hier. Et j'ai eu un petit coup de bambou par rapport, non pas au cours, même si je l'ai expliqué avant que j'ai préféré Kiki de Montparnasse à Lettre de femme et que voilà, ça c'était pour les courts-métrages et que ce serait bien qu'on en ait plus maintenant, mais que le combat allait continuer, etc., etc. C'est les trois longs qui me posaient problème dans le sens où ces trois longs qui sont, donc des adaptations de romans qui existent déjà, de BD, pardon, qui existent déjà, donc avec déjà une illustration qui est connue, avec des gens de talent, hein, je remets pas en cause, bien sûr, ces gens-là, mais donc pas de création graphique propre aux gens de l'animation qui auraient amené quelque chose, et trois films à Paraya qui peut être pour les adolescents, on va dire, quand même, plutôt pour les enfants, ou les enfants, enfin voilà, Loulou, et bon, un petit peu pour les plus grands, mais quand même, et Ma maman est en Amérique, est aussi un film pour les enfants, et je trouvais qu'alors qu'il y avait au moins deux films, donc, et Le Congrès, et Jasmine, qui avait une possibilité, je trouvais que c'était par rapport aux votants, donc pas mal de gens de la prise de vue réelle, je sais pas quoi, une méconnaissance de l'animation, parce qu'évidemment, ils voient pas tous les films, au contraire, dire à l'animation, bon, bah, de toute façon, vous êtes fait pour les enfants, on est encore dans ce cadre. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je voulais pas être le seul à dire forcément un truc pour râler, mais peut-être. Non, c'est pas la question de râler, là, c'est un constat. C'est difficile de répondre, hein, parce que les votants, ça recouvre un champ de professionnels, de gens qui est assez large. Donc c'est un peu difficile de savoir. Je serais peut-être plus à l'aise pour répondre dans 2 ans. C'est-à-dire quand on aura vraiment, un peu plus de recul, et il faut regarder, en fait, il faut pas, je pense que les Césars, faut pas les regarder sur une année, c'est parce que ils sont tout simplement chaque sélection, présélection et nomination, en fait, sont à chaque fois indexés sur la production annuelle, quoi. Donc c'est un peu difficile. Là, c'est évident qu'il y a cette ligne de démarcation que tu décris, public adulte, public enfant, ouais, elle est là, on peut pas la nier. Est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a une autre ligne qu'on peut considérer, c'est la qualité des films. Est-ce que ça match ou pas, quoi? Je veux dire, donc faut regarder ça. Et c'est vrai qu'il faudra regarder, faut étudier ces choses-là à la longue, parce que c'est là qu'on peut vraiment saisir une tendance ou un défaut de la façon de que les films ont de venir, quoi. Mais il faut regarder, par exemple, sur les films primés. L'année dernière, c'était Ernest et Célestine. J'ai plus en tête l'année d'avant. Et l'illusionniste. L'illusionniste l'avait eu? Ben, je crois que c'est le premier, il me semble. D'accord. Il me semble qu'il l'avait eu. Donc bon, on n'est pas non plus dans les trucs pour les tout petits systématiquement. Faut voir un peu ce qui va se faire. Puisque vous êtes tous les deux là, est-ce que, dans deux styles un peu différents, est-ce que parler d'animation et essayer de... Est-ce que c'est toujours un combat aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas encore dépassé ça, et tu dis, chaque année, le César, il va falloir repartir dessus et quelque part ne rien lâcher pour continuer à l'améliorer un petit peu? Est-ce que, alors dans deux styles différents, déjà, Denis, tu sens, toi, à chaque fois, dans les interviews que tu fais, dans le rapport que tu as aussi en tant que président de l'AFCA avec, je sais pas, le CNC, des organismes, etc., ça avance, mais il y a encore beaucoup de travail. Non, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on a progressé. Là où il y a encore du travail, c'est, je pense, pour continuer à bien faire comprendre. Il y a une chose qui est pas facile, par exemple. On a beaucoup dialogué avec les producteurs de cours il y a quelques années, parce qu'il y avait il y avait une différence de traitement entre les projets de court-métrage d'animation et les projets de court-métrage, on va dire, de fiction tournés en temps réel au CNC. Et on a fait un travail avec les producteurs, pour pouvoir expliquer au CNC les réalités de la production, en fait. De la même manière qu'il faudrait expliquer les réalités de la distribution de ces films ou de la circulation de ces films, etc. Le truc, c'est que ce mouvement qui a été initié par le collectif des producteurs de courts-métrages d'animation, c'était il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Je sais plus, ça a passé maintenant. Et aujourd'hui, les choses ont sensiblement changé. Les problématiques sont pas les mêmes. Ces sociétés, par exemple, qui étaient réunies, un certain nombre d'entre elles sont passées au long. Un certain nombre d'entre elles se sont professionnalisées aussi. Donc il faut en permanence, c'est pas qu'il faut se battre à chaque fois pour réexpliquer les mêmes choses, c'est plutôt il faut être vigilant pour bien réactualiser les problématiques et pas penser que c'était la même chose il y a 5 ans. Les choses ont changé. Aujourd'hui, par exemple, le problème, il est indirectement sur le court, mais il pèse sur le long. Il est sur 2 points très précis. C'est sur le nombre de films qui sont produits et l'argent qui est disponible pour cette production. Il y a très clairement un problème pour maintenir les emplois en France. Tout à l'heure, je disais que Persepolis s'était fait entièrement en France. Ça ne s'est à ma connaissance, ça s'est plus reproduit sur un long depuis. À Folimage ? À Folimage, ils ont partiellement travaillé avec, il me semble, avec l'Italie ou quelque chose comme d'accord. ça. Et globalement, et c'est vrai que Folimage, c'est un point de résistance là-dessus. Hein, ils travaillent beaucoup. Le tableau n'avait pas été fait de l'aiguille. Enfin, on va pas chercher, mais. Le tableau, je crois pas. Non. Et donc, le long métrage, en tout ouais, cas. Ouais, le long métrage, il y a une chose très simple, c'est que quand vous mettez 100 000 euros en France, vous avez besoin pour la même prestation que de 60 000 au Canada. Mmh. Là, il y a un souci, quoi. Il y a très clairement des sociétés qui sont en train de partir pour pouvoir. C'est pas pour gagner du fric, c'est pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc il y a quelque chose à réévaluer à ce niveau-là, je pense, parce que le travail s'en va. Et puis il y a une autre question qui est la question des sorties en salle. Il n'y a pas assez d'écran aujourd'hui pour un film. C'est pas compliqué. Un film d'animation, un long métrage français, la plupart du temps, la qualité de nos films tient au fait qu'ils sont atypiques. Ça tient en partie, pas seulement, dans l'originalité des projets à chaque fois. Pour pouvoir imposer un univers nouveau à chaque fois, il faut du temps. Il faut que le bouche à oreille puisse marcher. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles de la distribution, ça ne peut plus se faire. Aujourd'hui, il n'y a plus de Kirikou. Si Kirikou arrive aujourd'hui, rien ne se passe. Yves, je te propose juste de répondre après. On va faire une légère pause, et après, comme ça, on parlera ton initiative par rapport aux ateliers en prison, hein, aussi pour ça, et évidemment pour le festival. J'ai demandé à Nicolas de faire un truc, on va faire une petite pause, quelque chose, je vais t'embêter, mais est-ce qu'on peut avoir la piste 2? Et oui, comme il y a eu un peu de retard, je mélange un peu tout, la piste 2 et ensuite la piste 7. Et la piste 2, c'est un petit clin d'œil, donc on avait un petit clin d'œil au papa tout à l'heure, donc de ce nouveau petit garçon qui vient d'arriver. Ben maintenant, c'est à la maman, et c'est Morrissey qui chante « Such a little thing makes such a big difference ». Voilà, on écoute et on revient. Such a little thing. Such a little thing, but the difference it made was great. There you go, wielding a bicycle chain. Oh, why won't you change? Change and be nice. Gentle tone of kindness, or written words on paper, can you write? Singing. Voilà, vous êtes toujours bien sur Bulle de Rêve. Alors, juste après Morrissey qu'on a entendu, c'était quoi, Denis ? C'est une petite bande-annonce pour inciter les gens à aller voir des films avec leurs enfants, pour la ville de Blois, en fait. En fait, la ville de Blois, depuis des années, fait ce travail tous les dimanches d'une programmation jeune public. Et l'idée, c'est vraiment c'est pas que les gens amènent leurs gosses et les laissent comme à la garderie, mais ils viennent voir les films avec eux, qu'il y ait cet échange autour. Et en fait, ils ont toujours fait une petite bande-annonce, et là, ils voulaient la renouveler. Ils m'ont demandé de refaire une proposition là-dessus. Donc ça, c'était la bande sonore de ce petit 30 secondes. Alors donc, évidemment, ça paraît évident de commencer comme ça. On a une vingtaine de minutes, mais on va réussir. Je sais qu'Yves était très bavard, encore plus, mais donc on va essayer de tout dire. C'est un peu ce que veut faire le festival quand même depuis maintenant 14 ans, c'est la 14e édition. C'est aussi de proposer, on va dire, un mélange entre, là tu viens d'une avant-première, merci d'être là, déjà qu'est la mécanique du cœur, et proposer aussi des séances de courts-métrages inédits où ils vont voir Planète Z de Momo Gosseto ou des choses comme ça. C'est ça, c'est éduquer un peu le... éduquer peut-être le jeune public à aller voir autre chose au cinéma. Oui, c'est éduquer et puis c'est montrer autrement, éditorialiser par rapport à la question qui se posait tout à l'heure, qu'il y a énormément de films qui sortent. En effet, Kirikou, il a été soutenu, il est sorti de façon inattendue, il a eu un nombre de copies qui a augmenté au fur et à mesure, c'était il y a très longtemps, grâce au réseau de salles de proximité, comme Blois, comme d'autres, et un maillage très dense qu'on a la chance d'avoir en France. Et maintenant, avec énormément de films, tu le disais tout à l'heure, 9 films qui sortent là pendant les vacances de février, grosso modo, avec une zone assez large. Il faut éditorialiser. Éditorialiser, ça veut dire quoi ? C'est apprendre aux spectateurs et soutenir des choix qui soient pas que mainstream. Parce qu'un long métrage d'animation américain de Pixar ou autre, il a un budget de production qui est déjà colossal. Et en général, pour en avoir parlé avec certains cinéastes et certains distributeurs, il a un budget de promotion qui est de 4 millions, 5 millions d'euros. 4 millions, 5 millions d'euros, c'est le budget de production quasiment de Tantilda, complètement. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans la même catégorie. Donc le boulot des collègues de salle aujourd'hui, c'est d'éditorialiser, c'est-à-dire quand ils ont des animateurs de centres de loisirs, quand ils ont des écoles, quand il y a des parents qui viennent au cinéma... Et quand il y a des familles qui viennent, des grands-parents, il faut dire, oui, attention, l'enfant qui va venir, il a la possibilité, et notamment c'est très flagrant aux vacances de Noël, avec aussi les comités d'entreprise, etc., de voir potentiellement 5 fois le même film. Donc déjà, le film, il est présent, on peut parler de ça... Dans les centres commerciaux, on appelle ça le merchandising. Ah ouais. Hein, voilà. Il est présent, très présent quand il s'agit de La Reine des Neiges, même si c'est un film qui est intéressant à plus d'un abord. Mais en fait, si l'enfant il est accompagné, je parle du cinéma par un adulte qui peut le voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, potentiellement, il va peut-être le voir une fois, le revoir deux fois, mais la troisième, quatrième, cinquième fois, ça va retirer la potentialité de découvrir un autre film qui est moins mainstream. Et à la rigueur, ça appauvrit en fait le potentiel de richesse culturelle et de découverte d'œuvres différentes. Voilà, et donc nous, notre boulot, grosso modo, c'est essentiellement, c'est ça quoi. C'est pour ça qu'on soutient minuscule, Jack et la mécanique du cœur, Tantilda et aussi des programmes de courts-métrages qu'on accompagne avec des goûters au ciné pour amener aussi le travail de découverte d'œuvres très courtes qui sont très différentes. Et puis d'accompagnement, parce que moi je t'ai vu faire, j'en parle souvent, on en plaisante souvent en festival ou quoi, je t'ai vu faire avec les enfants dans la salle, il y a un véritable accompagnement de l'enfant dans la salle. Je parlais du festival des tout petits qui va être au Forum des Images, donc des 18 mois qu'on a. Enfin, lui faire comprendre qu'il est dans une salle de cinéma, que c'est pas pareil que de regarder devant sa télé, qu'il y a quelque chose d'autre, c'est un autre environnement. Et je t'ai vu, voilà, il y a cet accompagnement-là aussi qui est important. Oui, c'est aussi par rapport à une accélération, enfin un changement de forme de narration. C'est-à-dire que dans les œuvres audiovisuelles ou de cinéma, on a tendance à aller très vite, faire des montages cuts. Enfin voilà, il y a une narration qui prend peut-être moins son temps. Et donc il faut aussi éditorialiser ça, c'est-à-dire dire attention, il y a des œuvres de Cohen Mann, que soit Le Château de Sable, que soit Chouchou, qui prennent leur temps, qui nous paraissent longues à nous parce qu'on pense que ça a vieilli, on pense que voilà c'est daté, et en fait pas du tout. C'est-à-dire que c'est une idée qu'on a avec notre regard qui s'est affûté aujourd'hui, avec une finesse d'image qui est plus grande, avec des montages qui sont plus précis, avec des gens qui savent très bien faire du cinéma, une forme de narration différente. Et en fait, quand on prend le temps d'accompagner des œuvres entre guillemets du répertoire et de ce répertoire-là, comme nous on l'a fait l'an dernier avec Kahneman, ou qu'on va le faire cette année avec d'autres cinéastes, eh ben on se rend compte que les enfants, ils ont un regard qui reste à forger. Et que on en parlait tout à l'heure avec Stéphane Berlas, pour ça que je m'excuse d'être arrivé en retard, sur Jack, il est resté parce qu'il voulait avoir l'avis, il voulait avoir le ressenti des enfants de 3, 4, 5 ans qui étaient là. Et on en parlait, certains enfants à 5 ans ont déjà vu toute la collection Harry Potter. Donc c'est pas forcément mentalement et cognitivement, ils sont incapables de comprendre l'histoire intégralement. Ils vont s'attacher à un personnage, ils vont à la rigueur se faire peur, ça peut même peut-être les traumatiser à un certain moment. Et bon, sans être des tenants d'un cinéma à l'ancienne, c'est pas du tout ça, mais c'est l'œuvre. L'œuvre, elle existe. Il y a un auteur, il a fait des choix artistiques, il a fait des choix techniques, il raconte une histoire. Et même des histoires qui ont un tempo plus lent et plus contemplatif, au contraire, elles peuvent avoir d'autant plus de ressenti avec un enfant qui va les découvrir. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est très présent dans la BD, dans la littérature jeunesse. Il y a des éditeurs comme l'école des loisirs, comme les éditions de Rouergue, avec des livres où il n'y a pas de paroles, il n'y a que des images. Voilà, on pense à Claude Ponty, à Solotareff, etc. Et c'est moins présent dans le cinéma, parce qu'il y a ce côté mainstream qui est très très fort en termes de promotion. Et voilà. Denis, tu veux quelque chose. C'est intéressant l'analogie que tu fais avec l'école des loisirs et les éditions du Rouergue. Il ne faut pas oublier que le vecteur de circulation et qui a rendu ces livres populaires, c'est l'éducation. C'est-à-dire que ces livres se sont retrouvés dans des bibliothèques, des écoles. Et ils sont beaucoup passés, la promotion de ces livres et le développement de ces sociétés d'édition s'est fait énormément sur des dynamiques, des dynamiques d'éducation. Parce que ces livres-là, je ne suis pas absolument sûr que si on les avait mis sur le marché tels quels, les gens seraient allés les acheter forcément. Et je crois que là, il y a quelque chose. C'est pour ça que les dispositifs comme École au cinéma sont c'est primordial, parce que ça revient à refaire le même travail avec les films. C'est vrai, le problème des films, c'est que c'est pas des objets. En tout cas, c'est avec les DVD, oui, mais c'est quand même pas, c'est pas la même pratique, c'est pas le même abord. Par exemple, un livre, vous pouvez le raconter à quelqu'un. Il y a déjà il y a une personne qui raconte à une autre, par exemple. Ça peut se faire sous cette forme-là. Et donc les liens, par exemple, sur The Web Anime, là, j'ai une petite news où on te voit en effet, donc l'Académie Versailles, enfin présenter Pierre et le Loup et le film de Pierre-Luc Grandjean, Le Loup Blanc. Voilà, ça c'est important aussi d'avoir Yves, c'est justement de faire appel à des gens comme ça, parce que tu as fait appel à pas mal de gens l'animation pour justement présenter ces films. Oui, c'est fondamental d'avoir une éducation à l'image qui puisse être portée, certes d'un côté par des universitaires et de l'autre par des auteurs, des artistes qui, et particulièrement sur l'animation, ont un regard qui est à la croisée des chemins entre la technique, la narration et le champ artistique qu'ils utilisent. Et ça, c'est vraiment fondamental, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent l'exprimer. Un universitaire, il va peut-être être dans l'analyse, etc., filmique, mais en tout cas, nous, c'est fondamental d'assurer cette rencontre et aussi qu'il y ait une prise de parole. Voilà, et qu'on puisse voir, écouter, lire des choses qui soient les, je parlais d'école et cinéma, il y a des cahiers de notes qui sont très bien faits et qui permettent de s'enrichir sur le cinéma et d'avoir, alors certes c'est pas le point de vue qui va être développé par le professeur des écoles immédiatement avec ses élèves, mais ça lui permet d'avoir une culture et d'aller plus loin ensuite pour parler de cinéma et pour pas parler que de ce qui est raconté par le cinéma. Voilà, les cahiers notes qui sont d'ailleurs en téléchargement, donc vous pouvez les regarder. Alors, le festival cette année, 14e, ça fait long. On en parle évidemment chaque année, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Un bel invité d'honneur, j'allais dire un bel invité d'honneur, gros de suite, on se dit, samedi 15 février, ce qui est tout maigre, à 17h à Gonesse, et dimanche 16 février à 15h à Argenteuil, c'est Peter Lord, créateur des studios Hardman. Très gros invité d'honneur. C'est un gros invité d'honneur, parce que c'est Hardman aujourd'hui, sûrement l'un des studios les plus importants. Pour ceux qui sont dans le sud, moi j'y serai, il sera les jours d'avant à Nîmes, aussi, c'est une collaboration. Hein, oui, on est très, très heureux de faire cette Donc Peter Lord qui va venir avec des, plein d'enfants qui vont pouvoir voir Peter Lord. Ça, c'est vraiment assez exceptionnel. Plein d'invités. J'ai l'impression que aussi, il y a beaucoup de fidélité de la part de ta part, et on voit Anne-Laure Dafis, par exemple, Hélo Marchand, qui vont venir évidemment présenter leur film, Pierre-Luc Grangeon qui revient présenter, qui vient présenter son nouveau film, Benoît Hachieux qui vient, pas mal aussi dans des régions, La Poudrière notamment, parce que c'est une étudiante de La Poudrière qui a fait, Natalia, je vais y arriver, Chermicheva. Momoko Seto qui va venir. Est-ce que la journée professionnelle, on peut venir ou pas? Oui. Je ne me rappelle plus. Parce qu'une journée professionnelle qui va être assez exceptionnelle, parce qu'il y a Momoko Seto qui est là, Ilan Nguyen qui va nous expliquer un peu l'indépendance japonaise. Il va y avoir un lien vidéo normalement peut-être, hein, avec Koji Yamamura. On va enregistrer une petite intervention de Koji Yamamura qui va présenter à la fois une sélection de ses films et à la fois une sélection de la Gedai Université de Tokyo, qui est le troisième cycle d'animation japonaise. C'est un peu l'équivalent de la Poudrière, on va dire, si on veut comparer. J'ai même plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des meilleures écoles du monde, avec peut-être le Royal College of Art et la Poudrière et l'ENSAD. Enfin, voilà, moi, je trouve que si on avait une espèce d'école qui ferait la Poudrière et l'ENSAD en même temps, vrai, la liberté de l'ENSAD et la rigueur des fois de la Poudrière, ça donnerait ces écoles-là avec vraiment quelque chose de très très fort. Donc, faut venir, parce que c'est des films qui sont très durs à voir, la Gedai, qui sont disponibles en DVD, faut les acheter au Japon, c'est très dur. Donc, ça vaut le coup. C'est quelle journée, tu te rappelles là? Si, oui, c'est le jeudi 13 février. Le matin, en fin de matinée, donc il y a Momoko Seto et Koji Yamamura et la Gedai. Et l'après-midi, Le Vent se lève, présenté pendant 45 minutes par Ilan Nguyen. Et tu es le fil rouge de la journée. Donc ça, il ne faut pas le rater. Et puis, je pourrais être là parce que lui a un peu de mal avec Le Vent se lève. Et moi, j'aime beaucoup Le Vent se lève. Donc, on pourra peut-être faire un débat. Voilà. Je pense que c'est un film qui amène beaucoup. Je parlais hors micro de critique, et je voulais absolument amener un regard critique dans cette émission de plus en plus. Et Le Vent se lève est un film passionnant pour ça, parce qu'il y a des gens qui l'aiment pas, il y a des gens qui veulent dire c'est pas mon préféré de Miyazaki, comment ça se fait, il parle de réalité, on n'est plus dans la fantaisie, le personnage est pas tellement on n'est pas dans le personnage, il est un peu fade, etc. Il y a plein de choses à dire, et c'est absolument passionnant, mais nous n'avons pas le temps. Mais pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à cette spécificité du festival, on a la spécificité d'avoir, on n'a pas fait le choix d'avoir une compétition à l'origine, d'avoir un jury. Et ça permet d'avoir une liberté extrêmement grande de travailler avec les auteurs, de soutenir les auteurs, de soutenir les films, au-delà d'une forme de date de péremption. C'est-à-dire qu'un film, et ça c'est très très fort aujourd'hui dans le long métrage et dans les sorties, c'est qu'il y a une usure aussi temporelle extrêmement forte avec la chronologie des médias, et l'idée du festival, c'est aussi de ralentir le temps. Il est très long, parce qu'il est dans 37 lieux culturels, cinéma, médiathèque du Val d'Oise. Ralentir le temps, de se poser, de donner des rendez-vous aux gens, par exemple à Gonesse, là, ce week-end, donc c'était l'avant-première de Jack, la semaine prochaine sera celle de Tantilda, on aura l'ouverture du festival, la semaine d'après il y aura Peter Lord qui sera présent, la semaine d'après encore il y aura une journée Miyazaki où les enfants viendront l'après-midi découvrir Ponyo, et après les parents découvriront Le Vent se lève derrière, et ils passeront. L'idée, c'est de prendre du temps, c'est-à-dire se poser. Les gens viennent se poser, comme ce que Denis disait avec cette bande-annonce tout à l'heure. Ils viennent se poser, ils viennent souvent passer un après-midi entier où ils voient deux films, voire trois films. Entre les films, il y a des grands goûters, il y a des ateliers où ils peuvent s'inscrire. Et le cinéma devient un lieu comme on vient au musée, où on accepte de passer une demi-journée. Et on se pose, on s'assoit, on discute, on échange. Et par rapport aux auteurs, ce travail de fidélité, Anne-Laure Dafis et Léo Marchand, on a démarré il y a 4-5 ans, depuis le début du projet. Et puis, même l'an dernier, ils faisaient l'affiche, et l'idée, c'était de dire, on fait l'affiche parce que le film sera terminé. Il n'était pas terminé, mais c'est pas grave, il y a un lien de fidélité. Le programme, leur film, on le diffuse dans un programme spécifique qu'on appelle Truc et Autre Truc, qui rassemble certains films qui sont sortis ces trois dernières années. Ça nous plaît. Je te coupe, parce que je ne sais pas trop. Pour l'instant, la tribunalité n'est pas arrivée, donc on va peut-être avoir un peu de rab, mais imaginons qu'on n'a pas de rab. On va faire ça bien. J'aimerais que tu nous parles de deux choses qui me paraissent importantes dans cette 14e édition. y a un petit quelque chose qui va plus plaire aux adultes, et notamment avec une projection du film de Riti Pan et un autre film que je connais pas du tout, Vision of Reality, Charlie Vision of Reality, ouais, de Gustave Dutch, où là d'un seul coup c'est ce qu'a commencé aussi Marcel Jean à Annecy, et c'est ce que tous les festivals en fait ont envie d'animation, et ce qu'on a envie c'est cette frontière encore une fois entre la prise de vue réelle, la réalité, l'animation, l'image par image, etc., et tout ce flou qui est en train de arriver, on va dire, dans le cinéma, et qui, à mon avis, d'ailleurs, peut renouveler encore un peu plus le cinéma. Et ça, c'est quelque chose d'important dans le que tu as voulu amener, avec notamment ces projections de films. Oui, alors là, on n'est pas dans ce qu'on peut appeler l'hybride. On avait fait une journée professionnelle. On est vraiment dans de la prise de vue réelle pure. Sauf qu'il y a des... Pour le film de Riti Pan, il y a une représentation à un moment donné de quelque chose qui n'est pas représentable, c'est-à-dire un camp de concentration, où il a choisi de les représenter avec des personnages en terre cuite, et de façon fixe et de façon figée. Voilà. À l'instar de ce qu'avait pu faire Isao Takahata avec le tombeau des Lucioles, mais là c'était complètement de l'animation. Représenter ce qui n'était pas faisable, c'est-à-dire faire jouer des enfants pour représenter ça, voilà. Donc voilà. Et là, on est sur l'image fixe, et donc la dimension mentale qu'on a, on est très proche des arts plastiques et de la sculpture, de la peinture quand on va dans un musée où on se projette sur quelque chose de fixe, voilà, qui ne devient pas pour autant animé, mais enfin voilà. Là, il y a une œuvre avec des documents d'archives, avec des témoignages, un documentaire animé. Et ce qui n'est pas représentable est représenté par des sculptures de terre cuite fixe. Shirley Vision of Reality, c'est un long métrage de Gustav Dutch qui a été présenté à Berlin l'an dernier, qui est distribué par KMBO, qui va sortir en septembre prochain en France. Et là, pour le coup, c'est vraiment un film avec 12-13 tableaux, avec des décors qui ont été construits, avec des acteurs qui sont dans ces décors, et ces décors sont repris en fait du travail d'Edward Hopper. Donc à un moment donné, il y a quelque chose d'assez fugace, le moment où l'image recoupe le tableau de Hopper. Mais il y a avant et après le tableau. Voilà, on est dans cette dimension. Et ce qui est vraiment assez fin, moi j'ai pu découvrir le film intégralement, c'est que c'est accompagné par des archives sonores radiophoniques ou reconstruites des années 20 aux années 60. Et en fait, on est dans un film avec cette narration, on suit cette femme qui est Shirley à travers tous ces tableaux. Yves, excuse-moi. C'est quelque chose d'assez étonnant. C'est pas bien, mais là, on a une minute, on mettra pas de générique final, évidemment, comme d'habitude, Nicolas. Les dates? Donc c'est du 8 février, ouverture à Enghien à 18h30 samedi prochain, jusqu'au 1er mars. Voilà. Et tu viendras nous reparler vite, rapidement, c'est quoi cet atelier en prison qui a été mis en place? Vraiment, t'as une minute. Ben, c'est la deuxième année, c'est un atelier d'une semaine. L'an dernier, c'était Samuel Yal. Cette année, c'était Nicolas Bélanger. Et des détenus, pendant une semaine, réalisent un petit film d'animation sur la thématique, entre guillemets, il n'y a pas de thématique du festival, mais la thématique du concours de dessin et des films d'atelier. Là, c'était sur le thème de la neige. C'est lié à l'actualité. Si vous voulez voir le film, il sera projeté à l'ouverture du festival, ainsi qu'un travail d'une plasticienne, Agnès Caffier, à Enghien, et c'est assez étonnant parce que c'est assez corrosif. Là, ça parle d'une actualité liée à la neige, il y a un grand pilote de Formule 1, voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, venez. Bon, bah, génial. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup à Denis. Merci. D'être venu. On se retrouve donc le 22 février et on passe directement à l'autre émission. Merci beaucoup, à bientôt.